débat de société s'invite sur Miango FM. Les marchés brûlent, le transport coûte cher et bien d'autres questions qui polluent votre quotidien. Déposez ça ici. C'est la seule adresse de dépôt légal des questions de société sur votre radio. Tous les jours du lundi au vendredi entre 10h et 11h30. Déposez ça ici. Déposez ça ici, soulagez-vous de tout ce qui vous agace pour ensemble construire une société meilleure. Déposez ça ici, c'est votre nouvelle émission de débat interactif sur votre radio Miango FM 88.4. Déposez ça ici, une présentation de Renault et Boto. Miango FM, votre radio. Miango FM 88.4, Yaoundé et Douala. Madame, messieurs, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver ce matin. Nous sommes mercredi et c'est un mercredi jeunesse sur la 88.4 FM Miango FM. Vous le savez désormais, au micro de présentation, je suis Renaud Eboto. Vous nous écoutez à la maison, période de vacances oblige, dans les taxis de la ville de Douala. Sur le chemin du boulot, dans les bureaux, votre fidélité est un autre leitmotiv. Landry Lim est à la console, Roland Makenga est à la supervision générale. Nous allons démarrer tout de suite avec l'actualité. En guise d'actualité ce matin, le Conseil électoral d'Elections Cameroun à l'issue de l'examen des dossiers de candidature à l'élection du président de la République du 7 octobre 2018 s'est réuni en session de plein droit le 7 août 2018 en vue de la publication de la liste des candidats retenus pour prendre part à ce scrutin. Après délibération, le Conseil a arrêté à l'unanimité des membres la liste des candidats ci-après classée par ordre alphabétique. Bia Paul du RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Gaga Amanadi de l'ADD, l'Alliance pour la démocratie et le développement, Kamto Maurice du MRC, Mouvement pour la renaissance du Cameroun, Libi Lingenge Cabral de l'Univers Union nationale pour l'intégration vers la solidarité, Matomba Serge Espoir du Purse Peuple uni pour la rénovation sociale, Mouna Akere Taben du FPD, Front Populaire pour le Développement, Dame Joya Adamou de l'UDC, Union démocratique du Cameroun, Gifor Afanoui Franklin du MCNC, Mouvement citoyen national camerounais, et Oshi Joshua Nambangi du FDS, Front démocratique social plus connu sous le nom Social Démocratique Front. Sur les 28 dossiers de candidature reçus à Elections Cameroun, 27 ont été examinés par le Conseil électoral. Un des postulants, M. Feuze Isaac, du Merci Mouvement pour l'émergence et le réveil citoyen, ayant introduit une lettre formelle de désistement. Sur les 27 dossiers étudiés, donc, 18 ont été rejetés pour des motifs divers. Au regard de l'article 129 du Code électoral, les potentiels requérants disposent d'un délai maximum de 2 jours à compter du 7 août 2018 pour saisir le Conseil électoral. Faisons un tour en Côte d'Ivoire pour terminer et signaler que Simone Gbagbo, l'épouse de l'ancien chef d'État Laurent Gbagbo, a été amnistiée par le président de la République Alassane Draman Ouattara. Voilà, c'est tout pour l'actualité du jour. Avec Miango FM, elle change tout sur son passage. Miango FM, votre radio. De retour dans ce studio, j'accueille Edmond Kamgia qui est journaliste, sa première casquette durant cette émission. Bonjour et bienvenue dans ce plateau, ici même à Miango FM. Bonjour Monsieur Boto, bonjour à tous les auditeurs de Miango FM. Alors, le Conseil électoral vient de publier sa liste, 9 noms sur les 28 du départ. Alors, quelle est la lecture que vous en faites ? La première lecture, c'est celle que la liste qui a été publié correspond globalement aux attentes de la plupart des observateurs et analystes politiques. Mmh. Ceci en tenant compte des candidatures, notamment les dossiers qui avaient été déposés à ELECAM. On se doutait bien qu'il y avait des dossiers de figurants qui n'allaient pas aboutir, mmh. des personnalités pratiquement inconnues et qui, visiblement, pour celles qui étaient les candidatures indépendantes, on avait la quasi-certitude que les dossiers n'allaient pas aboutir parce que ce n'est pas facile d'obtenir 300 signatures. Mmh. Et puis, il y avait l'autre condition qui est tout aussi importante, c'était que pour être élu, pour être candidat, il fallait être investi par un parti politique qui a au moins un élu, c'est-à-dire au moins un conseil municipal. Mmh. Alors, il y a certaines candidatures qui n'ont pas pu prospérer parce que le parti qui les présentait n'avait pas d'élu du tout. Mmh. Et je dis globalement, c'est ce qu'on attendait parce que les principaux candidats sont présents, exactement. Que ce soit les jeunes comme les vieux. Mmh. Justement, on va essayer de parler des différents profils qu'on a. On a des moins de 40 ans, on a Serge Espoir Matumba et Cabral Ibi. Quelles sont leurs chances à votre avis? Oui, je pense que c'est pas un phénomène de mode, mais c'est dans l'air du temps d'avoir des candidatures jeunes. On le voit à travers le monde entier, la plupart des candidats aujourd'hui en Europe et même en Afrique sont de plus en plus jeunes. Regardez en Afrique du Sud, le leader de l'opposition, c'est Moussi Maïman. Il est autour de 40 ans. Regardez au Zimbabwe, l'élection présidentielle qui va se tenir, le candidat de l'opposition, le mouvement pour le changement démocratique, c'était Chamisa Nelson. Il a 40 ans. Et il s'est même autoproclamé vainqueur. Mais c'est que, malheureusement pour lui, le système de fraude qui a existé du temps de Robert Mugabe a prévalu parce que l'actuel président au Zimbabwe, c'est celui-là même qui était l'homme de main de Robert Mugabe pour les fraudes. Mmh. C'est vrai qu'il a contesté et on observe qu'il a perdu, mais pour l'avenir, c'est quelqu'un qui probablement, peut-être aux prochaines élections, il aura plus de chances d'être installé. Mmh. Et je vois également, regardez, Trudeau au Canada, Macron en France, c'est de plus en plus des jeunes, comme en Autriche également, de moins de 40 ans. Donc, quand nous avons su les 9, le tiers ont 38 ans. C'est des candidats qui ont chacun pratiquement 38 ans. Mmh. Serge Espoir, Cabral Ibi, Franklin Dufort. C'est vrai que chacun d'eux n'a pas le même aura. Exactement. C'est pour cela que j'imagine tu as insisté sur Serge Espoir et Cabral Ibi, qui sont beaucoup plus connus, exactement. Qui ont essayé de faire leurs preuves. À commencer par Serge Espoir, parce que lui au moins, des trois candidats, c'est quelqu'un qui est... Il est conseiller municipal. Exactement. Et il est à la tête d'une formation politique. Depuis quelque peu. Depuis quelques années. Ça marche plutôt pas mal. Et ça marche plutôt pas mal, comme tu le dis. Et je le dis avec tant d'assurance, parce que j'ai couvert la plupart de ses activités politiques. J'ai pu assister à ses conférences. J'ai discuté avec son état-major. Le moment viendra où on va discuter des projets de société, mais je peux vous dire qu'il a un très bon projet de société. Ah, d'accord. Oui. Alors, parlons d'un illustre inconnu, parce que des neuf, c'est le moins connu. Dufort, Afanwi, Franklin, qui est-ce? À vrai dire, je le découvre. Comme vous, comme tout le monde. C'est la surprise du chef. Oui, c'est la surprise du chef, comme on dit souvent. J'apprends par-ci, par-là, qu'il serait pasteur d'une église. Je ne le connais pas véritablement. Je le découvre. Espérons qu'il aura le temps de se faire connaître pendant la campagne électorale. Ou au moins à partir de maintenant, la pré-campagne. Exactement. Parce qu'on ne peut pas avoir la prétention de diriger un pays sans avoir quelques faits d'armes. Et ça peut le desservir de n'être pas du tout connu. Parce que médiatiquement parlant, je ne l'ai jamais vu. Bon, sur la scène politique non plus, je ne l'ai pas vu. Peut-être que c'est un nouveau parti politique qui a probablement un ou deux conseillers. Mais il n'est pas connu du tout, donc je ne peux sincèrement, en toute honnêteté, pas vous dire que je le connais. Exactement. Et que je peux donner des éléments d'appréciation. Je ne peux pas le juger. D'accord. Alors maintenant, on va parler des vieux, les vieux briscards hein, à cette élection présidentielle. On a Damoun Damdjoya, qui est un vieux de la vieille à l'élection présidentielle, telle en 2004, en 2011 et encore en 2018. On a... On a Garga Amanadji qui était même troisième à la dernière élection présidentielle avec 5% si je ne m'abuse. Ouais. Alors que dire de ces vieux briscards là? Est-ce qu'ils avaient encore leur place à cette élection présidentielle? N'auraient-ils pas pu laisser les jeunes loups se faire les dents? Je pense que la question est très importante. Ce d'autant plus que l'un d'entre eux a monté l'exemple. Qui n'est pas candidat cette fois-ci, ni John Fundi, voilà. Qui a été pratiquement à tous les scrutins en dehors de l'élection présidentielle de 1997, qu'il avait boycotté en même temps qu'Adamou Damdjoya. C'est la première fois qui a une élection où on ne le voit pas, ni John Frundi, parce qu'il a su passer la main. Et c'est ce que la presse, je fais partie de ceux qui ont rédigé des articles, qui ont même approché le SIF pour dire il faut passer la main. C'est une nouvelle génération qui doit continuer. Et il a compris le message. Et il avait promis, ça je tiens à le souligner, pour le mettre à son mérite. Ni John Frundi, après l'élection présidentielle 2011, quand les résultats sont sortis, dans ses déclarations, il a promis, notamment au SDF, au public qui était là, lors, après la proclamation des résultats, que c'est sa dernière élection présidentielle. Que les autres élections, ce sera un autre candidat. Nous pensions qu'il agissait comme des hommes politiques boulangers. Et on a bien vu qu'il n'est pas candidat. Il allait nous rouler dans la farine. Et ça, il allait nous rouler dans la farine. Il ne l'a pas fait. Même s'il a gardé la main au niveau de l'appareil politique, mais au moins, il a respecté sa parole. Il n'est pas candidat. Et ça, c'est une bonne chose. Et j'observe également, pour répondre directement à ta question, concernant notamment les deux, Garga Hamann et Adamu Ndamdjoa, personnellement, j'estime que Garga Hamann a dit aurait lui aussi dû passer la main. Non seulement pour l'âge, parce que c'est des gens qui ont 75, 76 ans, tout comme Adamu, mais pour un certain nombre de positions, de principes, qui font en sorte que il n'a plus la légitimité pour se présenter comme un opposant politique. Si vous permettez, je peux expliquer. Allez-y, expliquez-le. Depuis un certain nombre d'années, notamment entre 2011 et 2018, c'est vrai qu'on l'a nommé à la Commission nationale de lutte contre la corruption. Mais ce n'est pas suffisant pour le discréditer, parce qu'il a un actif qui montrait bien qu'il a qualité pour être à la Commission nationale de lutte contre la corruption. On s'en souvient en 1992. Il avait démissionné de ses fonctions parce qu'on lui avait enlevé, le chef de l'État lui avait enlevé la possibilité de lutter contre les grosses baleines. Parce que Paul Biya lui-même était la grosse baleine. Il lui a supprimé la possibilité d'agir en tant que ministre de la fonction publique du contrôle de l'État. C'est depuis cette époque-là qu'on a séparé la fonction publique du contrôle de l'État pour en faire deux ministères distincts. Exactement. Donc, Gaga était c'est le dernier ministre à avoir occupé les fonctions de ministre de la fonction publique du contrôle de l'État. Depuis ce temps, on a séparé les deux pour que le contrôle de l'État soit un ministère délégué à la présidence, sous contrôle du chef de l'État et non plus à quelqu'un qui pourrait agir en solo pour surprendre. Donc, je disais donc que Gaga, oui, il allait à la CONAC parce qu'effectivement, c'est quelqu'un qui aime combattre l'injustice, qui aime la vérité, qui aime que les choses soient droites. Mais, sur le plan personnel, et c'est là où c'est important, il a eu des problèmes, j'allais dire d'ordre de santé, des problèmes personnels et autres. Et le chef de l'État lui est venu en aide à différentes occasions. La dernière en date, c'est qu'il a bénéficié d'une évacuation sanitaire, tout frais payé par l'État, et notamment par la présidence de la République, pour lesquels je crois qu'il est très reconnaissant. Il a souvent été reconnaissant. Et on l'a vu, il a tenu des propos assez discours vis-à-vis de l'opposition dont il se réclamait au boulevard du 20 mai. On a vu comment il a traité les militants du MRC et du SDF qui exprimaient leur mécontentement vis-à-vis de la façon dont le chef de l'État gère la situation dans le pays anglophone. Il a traité les militants du SIA, du MRC d'idiots. Alors, et en politique, chaque mot utilisé a un sens. Cela signifie dès cet instant qu'il s'alignait dans le camp qui s'oppose à l'opposition. Moi, je l'ai qualifié dès ce jour-là de membre de la majorité présidentielle. Donc, Garga Hamann a dit n'est plus un véritable opposant à Paul Biya. Oui, mais Edmond Kambia, on pourrait vous opposer le fait que, bon, en tant que troisième à la dernière élection présidentielle, il a quand même fait 5% et que pour ce fait-là, la présidence de la République pourrait l'évacuer parce qu'il est un opposant qui compte quand même. Je précise encore, troisième à la dernière élection présidentielle. C'est pas faux. Et un acquis comme celui-là ne va pas se laisser perdre, c'est-à-dire qu'on ne va pas jeter ces 5% là par la fenêtre. Tant on sait qu'aux différentes élections présidentielles depuis 2004, c'est difficile pour l'opposition d'avoir un score comme celui-là. On a eu des Edith Kawala qui sont venus en faisant beaucoup de bruit, qui ont eu 0%. Donc, c'est pas évident. C'est-à-dire que sa candidature peut se comprendre du fait des 5% et le fait qu'il ait été évacué sanitairement par le président, la présidence de la République pourrait s'expliquer par le fait qu'il est un opposant de poids. Je vous comprends. Et je n'enlève rien à ce que vous avez dit. Sauf d'autant que le leader de l'opposition, ni John Frundi, a pu bénéficier également d'une telle sollicitude. Exactement. Parce que son épouse était malade. Exactement. Elle a été évacuée en Suisse. Malheureusement, elle était décédée. Mmh. Mais c'est différent. Les deux cas sont différents. Pourquoi? Mmh. Parce que ni John Fundi, même si le statut de l'opposition n'existe pas de manière formelle au Cameroun, de fait, je pense qu'il a pu bénéficier d'une telle sollicitude parce qu'il était le leader de l'opposition. Mmh. Et ce qui est important, c'est que le SIF, d'une manière générale, et sur le plan fonctionnel comme sur le plan des prises d'opposition, ne s'est jamais aligné pro-RDPC. Mmh. Le message a toujours été clair, il n'a pas été ambigu au niveau du SIF. C'est la raison pour laquelle je pense que, bien qu'en passant la main à Joshua aussi pour continuer le combat, le SIF demeure le principal parti d'opposition avec un appareil politique important. Et à aucun moment on a vu de manière formelle, j'insiste sur le côté formel, ni John Fundi se compromettre. Et je voudrais revenir sur Garga Manadi pour dire qu'il a été, j'allais dire, non seulement silencieux, mais pas visible sur les actions de l'opposition ces dernières années. On ne l'a pas vu, il n'a pas été présent dans les actions de mobilisation, dans les actions de contestation, dans la rue, comme dans les réunions et manifestations publiques. On n'a pas vu Garga. Il était de l'autre côté. Dans un côté, j'allais dire qu'il arrangeait mieux. Bon, c'est vrai qu'il travaille encore à la CONAC, mais s'il était encore opposant, ça je le dis avec toute l'expérience de 30 ans de métier que j'ai, je suppose qu'il aurait pu accompagner les actions qu'ont menées les leaders du SIF, du MLC, du PUS, dans la réforme, dans le projet de réforme du code électoral. Il a été absent. Et cette absence-là me fait penser qu'il n'est... Je ne comprends pas pourquoi j'appellerais à voter pour quelqu'un qui a été absent dans les principales revendications de l'opposition. Et pour ajouter de l'eau à votre moulin, récemment, il s'est senti investi d'une mission présidentielle pour aller au nord-est, sud-ouest, parler. Comme émissaire de Paul Biya, pour aller discuter avec les populations anglophones et lui rendre compte. Mais s'il n'y a pas meilleur élément ou argument pour dire qu'il est l'un des hommes de main du chef de l'État en ce moment, je crois que c'est sa candidature n'a pas un véritable sens, au sens de l'opposition, je veux dire. Exactement. Parlons d'Adamu Ndamdjoa maintenant. Adamu Ndamdjoa, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, pour tout ce qu'il a fait dans ce pays. D'abord parce qu'il a été, et j'allais dire, le ministre de l'Éducation nationale, parce que c'est l'appellation qu'on avait à l'époque. Aujourd'hui, on me dit ministre des enseignements secondaires, mais il y avait le ministre, le super ministre de l'Éducation nationale. Beaucoup de ceux qui ont son diplôme dans les années 77-78, s'en réclament, s'en vantent, disent que mon BEPC, c'est Adamu Ndamdjoa. Je le dis pour que vous puissiez comprendre pourquoi je suis d'accord qu'il soit encore candidat. C'est un homme de l'éthique, des valeurs. C'est quelqu'un qui veut insuffler un esprit de vertu en politique et dans la société camerounaise. Pour moi, ce sens-là est important. Dans une société comme celle-ci, où les valeurs ont foutu le camp, aussi bien dans la société que dans la manière dont le gouvernement gère les politiques publiques. Trop de corruption, non-respect de ceci ou ça. On a vu depuis qu'on a abandonné, j'allais dire, la morale dans les écoles publiques, on a vu ce que ça devient. Mais est-ce que c'est suffisant pour être président de la République? Parce que Adamu Ndamdjoa est accusé de vouloir créer un parti familial, de vouloir faire l'UDC un parti familial, c'est-à-dire qu'il est président, sa femme elle est là, elle est députée, ainsi de suite. Lui, il ne se cantonne que dans sa région, du côté de chez les Bamoun là-bas, c'est là où est son fief électoral, c'est là où est son... Est-ce qu'il n'y a pas un problème à Adamu Ndamdjoa, un problème de vision nationale du parti UDC que les Camerounais aiment bien? Vous savez, je connais ce genre de critiques-là. Et puis, je ne suis pas encore un homme politique. Peut-être que je le serai demain. Mais je pense que c'est injuste de dire qu'Adamu Ndamdjoa est à la tête d'un parti familial parce que son épouse est députée. Je le dis avec d'autant d'emphase que je connais personnellement l'épouse d'Adamu Ndamdjoa qui a été ma camarade de classe. On a fait le cycle de licence en droit ensemble. Première année, deuxième année, troisième année. On a eu la licence ensemble en juin 1990 à l'université Yaoundé. C'est une battante, c'est une combattante. Je l'ai vue sur le terrain pendant les luttes pour la démocratie au Cameroun. J'étais déjà journaliste à la Nouvelle Expression qui a été créé, dont le premier numéro est sorti en février 91. Donc après ma licence en droit, j'entre directement dans la presse. D'ailleurs, j'écrivais des articles quand j'étais étudiant déjà. Parce que mon premier article paraît en 1987, quand je suis étudiant encore. Donc je dis, je connais son épouse. Ce n'est pas le fait pour lui. Vous savez, il y a eu une loi qui a fait en sorte qu'à travers les incompatibilités, on pouvait plus être député maire. Exactement. Alors, certains estiment que parce que Adamu Ndamdieu a permis à son épouse d'être député et lui, il est resté maire, alors c'est un parti familial. J'ai dit non. Elle, Hermine Patricia Domaino Ndamdieu, a beaucoup de mérite, elle a beaucoup de qualités. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'elle est l'épouse d'Adamu Ndamdieu qu'elle a eu cette fonction. C'est parce qu'elle est une femme politique. Bon, la mauvaise coïncidence veut que ce soit l'épouse du leader du parti. Exactement. Alors, c'est trop vite fait de dire c'est un parti familial et puis parce que l'essentiel des députés vient du Noun. Mais c'est un mérite que beaucoup de leaders n'ont pas. Combien de leaders ont des députés dans leur région natale? Citez-moi d'autres leaders dans ce pays qui ont beaucoup de qui ont plus de deux députés dans leur région natale. Regardez au nord-ouest. Au départ, dans les années 92, le SDF a eu, avait la totalité des 20 députés du Nord-Ouest. Mais aujourd'hui, le SDF n'a plus, n'a plus la totalité des députés du Nord-Ouest. Regardez les autres partis politiques de l'opposition. Regardez ces leaders-là. Non seulement ils ne sont pas députés, non seulement ils ne sont même pas élus. Adamu Ndamdieu, lui, il a le mérite d'être élu. Il est élu maire. Il est maire de Foumban depuis 1996. Il se bat pour maintenir son poste. Si les électeurs du Noun votent pour lui, mais c'est parce qu'il y a certainement un message qu'il passe. Au-delà des bagarres, j'allais dire, fraternelles avec le sultan Bamoun, qui est du RDPC, avec qui il y a vraiment des querelles sérieuses qui nuisent malheureusement au développement du Noun, je pense qu'Adamu Ndamdieu, c'est un grand leader. C'est un grand leader. Et on ne devrait pas le contenir seulement en disant qu'il a des députés dans le Noun. Il a des conseillers municipaux, pas seulement dans le Noun. Il en a dans à Douala. Il a des conseillers municipaux à Douala. À Douala deuxième, il a plusieurs conseillers municipaux depuis plusieurs années. On ne va pas dire qu'il est un parti régional alors qu'il a des députés hors de l'Ouest. Donc c'est un parti national. C'est un parti national. Alors, moi, je pense que c'est un faux procès qu'on fait à Adamu Ndamdieu. Parce que s'il faut retourner dans le passé, malheureusement, il faut également avancer. Mais vous savez, pour avancer, il faut savoir d'où on vient. Parfaitement. C'est pour ça que je rappelais que c'est un homme d'éthique. Et il demeure un homme d'éthique. C'est lui qui est le premier directeur fondateur de l'IRIC. Donc, je suis un ancien étudiant de l'IRIC. J'ai fait l'IRIC, j'ai été diplômé de l'IRIC. C'est lui qui a mis en place, premier directeur fondateur de l'IRIC. Et l'IRIC, toute la notoriété, la réputation que l'IRIC a en Afrique et dans le monde, c'est grâce à lui. Parce qu'il lui a donné une image telle que on ne peut pas la dénaturer. Malheureusement, ces dernières années, certains responsables qui lui ont succédé ont transformé l'IRIC en ce qu'on voit à l'ENAM et partout ailleurs. Et c'est vraiment déplorable. Donc alors, sa candidature a encore un sens. Alors, on va parler des autres. Maintenant, il y a les gros poissons. C'est-à-dire qu'il y a des messieurs qui ont de la carrure pour être présents dans la République. On va citer les Oshi, on va citer les Akere, Taben Mouna, on va citer le plus illustre de tous là, Maurice Kamto, parce que dans les médias, dans les réseaux sociaux numériques, il est très très présent, Maurice Kamto. Alors, que penser de ces trois-là? Est-ce que l'un des trois a une chance ou alors... comme l'estiment certains experts dans le domaine politique, l'enjeu de cette présidentielle, c'est de savoir qui sera le leader de l'opposition. Oui, ça c'est... Effectivement, il y a toute une bataille, toute une polémique là-dessus. Pour les citoyens camerounais, pour les électeurs, l'idéal serait que les trois là se mettent ensemble et choisissent un candidat pour lequel ils demanderont à voter. C'est la seule issue pour qu'ils puissent affronter le géant Biya. C'est la principale issue. Mais ce n'est pas la seule. C'est la principale issue. En fait, c'est l'issue idéale. Vous savez, l'idéal est un objectif difficile à atteindre. Exactement. Parce qu'il faut tenir compte du fait que ce sont des hommes, ce sont des humains. Chacun a son ego. Chacun a sa personnalité. Chacun veut entrer dans l'histoire. Mais entre le fait de vouloir entrer dans l'histoire, devenir l'homme de la situation et privilégier l'intérêt général, l'intérêt de la République, l'intérêt du peuple, il y a quelque chose qu'il faut faire un choix. Qu'est-ce qui est plus important? Mon ambition personnelle ou l'intérêt du peuple? Et c'est là où on les attend. Parce qu'en ce moment, il y a des tractations entre ce qu'on a appelé, ce que nous appelons le Big Five. Mm. Donc à ces trois, c'est-à-dire Maurice Kamto du MRC, Akeri Mouna du Front pour le Mouvement Populaire, Yoshua aussi du SDF, on associe les deux jeunes, Serge Espoir du PURS et Cabral Libye du Parti Univers. C'est ça, le Big Five. On pense que si les membres du Big Five essayent de trouver la meilleure solution possible pour appeler les Camerounais à voter pour celui qui est le mieux, qui a le plus de chances d'être investi, de gagner, de battre le candidat du parti au pouvoir, ce serait une chose formidable. Mais d'emblée, avec l'expérience que j'ai, je ne rêve pas. Je sais que ça n'arrivera pas. C'est-à-dire, le Big Five ne va pas. Ce sera un miracle. Vous savez, quand on vit, il faut espérer. Si le miracle arrive, j'applaudis. Mais ça n'arrive pas. Par contre, je pense que des cinq, peut-être deux, peuvent s'entendre entre eux, ou deux ou trois, pour coaliser. Parce qu'en 92, je veux le rappeler, en octobre 92, on se battait dans l'opposition. Quand je dis « on », c'est parce que j'ai assisté à la plupart des réunions de l'opposition. Parce que c'était la coordination se réunissait en 91 et associait les associations, les partis politiques et les journalistes des journaux de la presse privée qu'on appelait presse de l'opposition. Donc, on nous appelait les journalistes de l'opposition. Nous, les journalistes des années de Bresse. Alors, donc, j'ai eu l'opportunité de côtoyer la plupart de ces leaders qui sont encore en fonction. Je veux parler d'Adamou Ndamdjoa et de Garga aussi. Et je peux dire aujourd'hui que il est possible qu'on assiste à une dynamique du changement, c'est-à-dire que qu'il y ait un mouvement en faveur d'un candidat, mais qui ne sera peut-être pas partagé par l'ensemble des cinq. Peut-être deux seront ensemble, peut-être que trois seront ensemble. C'est une possibilité comme en 92. Parce qu'en 92, le fait pour l'opposition d'avoir une convergence n'a pas empêché qu'il y ait d'autres candidatures. Parce que la candidature de Ni John Fundi était portée par la plupart des partis de l'opposition. Samuel Lebois, qui fut à l'époque leader de l'UNDP avant que Bello Boubane vienne lui arracher le parti, avait dû créer le MDP et a soutenu fortement Ni John Fundi en 92. L'UPC, qui est à l'origine de la démarche de l'Union pour le changement, l'UPC Ndetoumaza, qui était l'UPC qui était la plus puissante, la plus forte à l'époque, c'est elle qui a eu l'idée de réunir l'opposition et de dire faisons quelque chose pour l'histoire. Ça, il faut le mettre à l'actif de Ndetoumaza, de regretter mémoire. Et les signes et les symboles ont un sens. L'Union pour le changement, c'est UPC. Les gens ne le savent pas. C'est l'UPC qui a l'initiative de l'Union pour le changement. Mais parce que l'UPC a toujours été un parti nationaliste, ils savent distinguer entre l'intérêt personnel et l'intérêt supérieur de l'État. Eux-mêmes qui ont initié le mouvement se sont mis derrière et sont rendus compte que le candidat du SIF a ce charisme-là, peut porter le projet. C'est comme ça que Ni John Fundi a été désigné de manière consensuelle pour porter le projet de l'Union pour le changement. Pas parce qu'il était le plus lettré, non. C'était pas le plus instruit. Ce n'était pas le plus fort. Mais il avait deux qualités. Il était courageux. Il savait mobiliser. Et il venait d'une zone où, pour la première fois, on a vu les choses bouger. Parce qu'il faut le dire aujourd'hui, si nous avons avancé en matière de démocratie, c'est parce qu'il y a eu le 26 mai 1990 à Bamenda. Il y a eu la marche. Il y a eu 6 morts, 6 martyrs. Et ça, c'est important. Et Ni John Fundi était à la tête de ce mouvement. C'est pour cela que les leaders à l'époque ont dit, cet homme, mettons-le devant. Et ça a porté des fruits. Parce qu'aujourd'hui, il y a une véritable polémique. A-t-il gagné ou non les élections présidentielles 92? Je suis de ceux qui pensent que Ni John Fundi a gagné ces élections. Mais ces élections lui ont été volées, comme il l'a dit. Mais parce qu'il aimait ce pays, il lui suffisait de dire « Allons revendiquer notre victoire !» Le Cameroun, on ne sait pas ce que ce pays serait devenu. Certainement à feu et à sang. Ce serait un peu comme en Côte d'Ivoire en 2000. Lorsque Gbagbo a dit « Allons dans la rue, revendiquer notre victoire !» Et Gbagbo l'avait fait et a pu se positionner et se retrouver à la présidence. Il est possible que Ni John Fundi, parce qu'il avait probablement gagné les élections, il aurait pu arriver à la présidence. Mais à quel prix? Combien de Camerounais seraient morts?

des intérêts. Mais de l'autre côté, maintenant, en tant que casquette de prédicateur... Vous avez la dent dure. Oui. De l'autre côté, avec ma casquette du président de la République, je rappelle que pour ceux qui me connaissent déjà, il y a une chaîne des enseignements sur YouTube appelée Bamba Iba, Bamba Iba, B-A-M-B-A, espace Iba, où depuis des années, et comme mon frère le signifiait, il a parlé de John Fundy. Depuis en 2016, le Seigneur nous a donné par prophétie que John Fundy ne se présenterait pas à cette candidature. Ah, et là, sur ce site-là, Internet, à plusieurs reprises, nous avons le message pour le Cameroun, y compris l'issue des Que vous disent les prophéties de cette année 2018? Je crois que ce serait bien pour que les gens aient visité, mais je vais glisser quelque peu là-dedans. Glissez-nous quelque chose. Vous avez posé la question concernant le candidat, le gros poisson, et moi, je vais laisser le gros poisson à manger. Ouais. Alors, je crois que le gouverneur et tous les autres membres du gouvernement nous écoutent là-bas. Sur ce site-là, c'est dit clairement le message pour le Cameroun avant que ces événements passent. Depuis 2009, j'en parle par rapport aux événements. J'avais dit dans l'un des enseignements que ce que nous appelons un nuage de paix peut être un signe avant-coureur d'un tsunami qui va parcourir le pays. En expliquant les différentes portes des choses que nous allons avoir dans le pays. Et plusieurs fois même, je suis allé à la présidence, j'ai écrit des choses où j'ai déposé à la présidence. Sur ce internet, je dis comme ça pour la référence, pour que les gens qui nous écoutent puissent comprendre que ce n'est pas du jeu. Il y a un message au président de la République, la sortie des crises, avant même que la crise n'entre en scène, que le président de la République devait appeler une repentance nationale pour le pays, parce que les cœurs étaient totalement fermés. Les gens sont frustrés. Il faudra un pardon national, une repentance nationale pour que la prospérité vienne sur ces pays-ci. Je crois que c'est resté lettre morte. Plusieurs fois encore, et puis j'ai parlé après le conseil constitutionnel et que le lion puisse se reposer. Maintenant, à plusieurs reprises, j'ai parlé du fait que l'aigle des États-Unis devrait se tourner vers le lion pour commander l'équité. Là, ce qui se passe maintenant, c'est que cet entêtement du président de la République va lui être fatal. Donc, je crois que je peux dire ainsi. Parce qu'en fait, au-delà de l'analyse politique, il a tout le conseil de l'ECAM, puisque c'est lui qui nomme le membre, le dirigeant. Je crois que les candidats, j'ai eu à parcourir les presses et puis j'ai entendu que les gens, les membres de l'opposition demandaient à ce que les ballots, les unes sortent des casernes militaires. Et on appelle le casernes militaire et le commissariat comme un espace public. Vous savez que ce qui est public n'est pas vraiment public dans ces domaines-là. Et donc là, ça veut dire qu'il a tout, l'armée, la police et toutes les autres choses-là, et les gens qui dirigent et les camps qui vont donner le résultat sous sa houlette. Mais la seule chose qu'il n'a pas, c'est qu'il n'a pas le soutien du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le soutien du Seigneur Jésus-Christ, le message du Seigneur Jésus-Christ voudrait qu'il se repente et qu'il quitte cette scène-là. Donc c'est ça, la prophétie, c'est laquelle? La prophétie, c'est qu'en réalité, il y aura changement au Cameroun. En 2018. Ne vous inquiétez pas, nonobstant, souvenez-vous de ceci. Je crois que puisque c'est une radio qui est bien écoutée. Nous sommes en 2018. Ah, d'accord. Puisque c'est une radio écoutée par le gouverneur et tous les gens de ce pays, je préfère le dire. Vous avez dit tout à l'heure qu'il ne marche pas même. Mais comment vous avez su ça? Vous êtes vraiment informé. Écoutez, il y a une réalité qu'on doit admettre et qu'on le veut ou pas. Dans Daniel chapitre 2, la Bible déclare que le règne du Très-Haut domine sur le règne des hommes et il donne le trône à qui il le veut. Maintenant, les gouvernants, et j'avais écrit dans une brochure que j'ai mis dans le document que j'ai envoyé à la présidence, dont le titre était « La bonne gouvernance face à la révolte ». Dans ce document-là, j'ai expliqué, c'est à l'issue du printemps arabe, j'avais expliqué que tout gouvernement qui néglige les pauvres, les orphelins hauts de là-bas, et l'injustice particulièrement, attirera sur lui, tôt ou tard, la fougue des peuples. Et j'ai parlé donc du concept de l'autorité selon la Bible et ce que les populations devraient faire. Dans ces choses-là, et puis j'ai donné un avertissement au président de la République qu'au lieu d'avoir des conseillers tout autour de lui, qui pourraient lui dire tout simplement ce qu'ils veulent entendre, puisque la réalité est que très souvent, il n'est même pas au courant de ce qui se passe dans le bas peuple. Il n'y a qu'à voir les routes de Douala et on va toujours lui dire que tout va bien. Et donc, vous voyez, effectivement, j'ai dit, au lieu de le faire, il faut chercher les serviteurs de Dieu qui vont lui dire quelle est la direction de Dieu. Parce qu'on ne peut pas... On ne dit pas seulement que le Cameroun va émerger en 2035 sans connaître l'avenir. Personne ne maîtrise l'avenir. Où est-ce là, n'est-ce pas? Voici la CAN, le chantier de la CAN. Et remarquez bien tout ce qui se passe tout autour de la CAN et qui risque, le Cameroun risque de perdre ses chantiers. Alors, donc, j'ai écrit dans cette brochure ce que le président de la République doit faire pour pouvoir mettre les chantiers, pour réorganiser tout son entourage afin de laisser ce Cameroun prospère tel qu'il a toujours souhaité. Donc, moi je veux qu'on soit en une phrase. Oui. Quelle est la prophétie du frère Junior Tchabda? Ce n'est pas ma prophétie. Je veux que pour la gouverne des auditeurs, je veux que vous compreniez qu'il y aura changement de gouvernement. Non seulement changement de gouvernement, mais changement de l'appareil étatique. La forme du Cameroun que vous voyez va changer, mais pas de division. Oui, mais le président de la République peut rester président et il y a changement de gouvernement. Oui, en principe, dans la logique des choses, on voit que tout est lui et acquis. Mais il ne demeure pas moins sur le plan spirituel. Si on ne veut pas dire sur le plan spirituel, c'est Dieu qui gouverne. Alors, et c'est justement comme il parlait tout à l'heure là de l'histoire de Pharaon et de Joseph, de Joshua. Vous remarquez que avec Pharaon, Pharaon avait tout pour réussir à écraser les Juifs. Mais il ne demeure pas moins que Dieu intervienne. Donc le Seigneur a laissé ceci, justement, qu'il s'entête à se présenter pour l'humilier. Donc en réalité, ce qu'il veut dire, c'est ceci. Il va perdre les élections. Non, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ah, d'accord. Vous savez, il y a plusieurs façons par rapport à ces élections-ci. Il y a plusieurs façons. Il y a plusieurs scénarios. Mais je me garde de dire, mais tout ce qu'il peut dire à l'issue de ceci, c'est qu'il y aura changement. Vous voyez, en réalité, il peut bien gagner les élections. J'en ai dit quelque chose là-dedans. Il peut bien gagner des élections, mais le Seigneur ne lui permet pas d'accéder au trône pour longtemps. Vous voyez ce que ça lui dit, n'est-ce pas? Ah oui, mais voilà. Alors, on a déjà eu le général de Dieu qui nous a dit... Il a dit clairement qu'il doit mourir. Voilà. Alors maintenant, dans cette prophétie, voici ce qui a été dit dans les différentes prophéties. J'ai parlé en parabole qu'après le conseil constitutionnel, parce que j'avais dit ça longtemps avant que le conseil constitutionnel soit mis en place, parce qu'il, sur le plan démocratique, il est un homme de droit et il voudrait institutionnaliser et sortir comme celui qui a amené la démocratie au Cameroun, comme il a signifié sur les antennes des télévisions étrangères. Alors, il est été dit dans ces professions après le conseil constitutionnel et quoi, les animaux sont tout autour, entendant que le lion se couche, le lion doit se reposer. C'est ce qui a été dit. Et maintenant pour sortir dans cette affaire, je crois que vous avez suivi l'actualité qui parle maintenant en Côte d'Ivoire concernant la libération, l'amnistie accordée par le président Ouattara. Exactement. Alors cette prophétie là a été également donnée, que voici le problème de la Côte d'Ivoire. Je crois que vous en feuilletant sur YouTube, vous pouvez voir cela. Le message a été on ne peut plus clair pour ceux de l'extérieur. Je parle clairement, mais pour ceux du Cameroun, puisque nous ne sommes pas très bien, suivez mon regard, il faut dire choses en parabole. Alors ici pour le cas de la Côte d'Ivoire, il a été dit clairement qu'il faut une amnistie générale et puis amener la réconciliation qui va nettoyer le trône de la Côte d'Ivoire. Et il a fait quoi cela quelques jours lundi. Et donc on voit effectivement que ceux de l'extérieur peuvent écouter la voix de Dieu, mais ceux de l'intérieur font la sourde oreille. Ok, on va donc présenter à nos auditeurs le docteur Blaise Antoine Woudiléo, qui est médecin, sexologue, coordonnateur des activités de l'ONG FESPAC. Bon, avec vous, on va parler de sujets concernant la sexualité, mais est-ce que vous avez un mot à dire après tout ce que vous venez d'entendre sur la politique ce matin? Je vous assure, je ne dis rien. En 92, j'avais brûlé tout ce que j'avais comme carte. Voilà. J'ai brûlé. D'accord. Parce que ma voix n'avait pas été prise en compte. Ouais. Autant j'avais voté. Il sait que son candidat avait gagné. Mon candidat avait gagné. Il est sexuellement maintenant de puissant. Non, c'est ma profession. Oui. C'est ma profession. Est-ce que votre profession, c'est voter? Négatif. Non, c'est pas voter. Mais moi, j'accomplissais juste ce que tout bon citoyen devrait le faire dans son pays. De toutes les façons, pour la gouverne de nos auditeurs, en 92, les procès-verbaux sont bien clairs. Le président Biya avait gagné l'élection. On fabrique des procès-verbaux. C'est pas un souci. Bon. Les procès-verbaux sont clairs pour l'instant, jusqu'à ce que la preuve du contraire soit apportée. Oui, les procès-verbaux officiels. Officiels, voilà. Ouais. Donc, le président Biya avait bel et bien gagné l'élection en 92. Alors, nous allons prendre une légère pause et on revient juste derrière pour parler du sujet du jour. Aujourd'hui, on parle de la masturbation. À tout à l'heure. Avec Miango FM, elle change tout sur son passage. C'est la publicité sur Miango FM. Ce vendredi, trouvez la bonne combinaison et gagnez le Banco 2, 120 millions de francs CFA. PMUC, un jour, vous aussi, vous allez gagner gros. C'était vos messages préférés sur Miango FM 88.4. Douala Yaoundé avait besoin d'une nouvelle radio. Miango FM, la nouvelle radio. Les débats de société s'invitent sur Miango FM. Les marchés brûlent, le transport coûte cher et bien d'autres questions qui polluent votre quotidien. Déposez ça ici. C'est la seule adresse de dépôt légal des questions de société sur votre radio. Tous les jours du lundi au vendredi entre 10h et 11h30. Déposez ça ici. Déposez ça ici. Soulagez-vous de tout ce qui vous agace pour ensemble construire une société meilleure. Déposez ça ici, c'est votre nouvelle émission de débat interactif sur votre radio Miango FM 88.4. Déposez ça ici. Une présentation de Renault et Boto. Miango FM, votre radio. Madame, messieurs, nous sommes de retour dans ce studio. Je vous rappelle que nous sommes en compagnie du docteur Blaise Antoine Wodileo, qui est médecin, sexologue. Nous sommes en compagnie de Edmond Kamga, qui est journaliste et également, il a fait des études de théologie. Nous sommes en compagnie de Frère Junior Tchabda, qui est un pasteur pentecôtiste. Non, pas pasteur pentecôtiste, prédicateur de la parole de Dieu. Voilà. Les casquettes de dénomination ne me sont pas collées à la peau. Voilà, prédicateur de la parole de Dieu. Ok, je sens qu'on aura une bonne émission ce matin. Oui. Alors, nous allons parler de la masturbation. C'est un phénomène qui est très fréquent, notamment au niveau des jeunes. Nous sommes en pleine période de vacances scolaires, donc les jeunes nous écoutent à la maison. Alors, nous commençons par vous, docteur. Alors, c'est quoi la masturbation? Ben, dis donc, tu as tout fait de nommer les jeunes. Pourquoi ça? Pourquoi seulement les jeunes? Pourquoi les jeunes? Pourquoi les jeunes? Laisse-moi te dire, c'est moi le médecin coordonnateur du centre d'écoute. J'ai demandé qu'on en parle parce que je reçois des gens dans notre centre d'écoute. C'est vrai. Quand tu dis les jeunes, c'est les frustrés. Tu es sûr que tu es jeune ou quoi? Donc c'est vous, n'est-ce pas? Non. Je veux parler de la masturbation, c'est tout le monde qui se masturbe. D'accord. Ça, c'est vrai. Ouais, et le pourcentage m'a inquiété. C'est grave. C'est vrai que le pourcentage pour les adolescents de 15 à 25 ans est suffisamment élevé. Bah, c'est 13%. C'est fâcheux à la limite. Et tu vois, pour les adultes, comme moi, c'est 8%. Et maintenant, pour les couples, c'est 3%. Tu vois que c'est tout le monde qui se masturbe. Alors donc, j'aurais donc souhaité que tu reprennes ta question. Alors, c'est quoi la masturbation? Voilà, c'est ça. C'est clair. C'est ce plaisir volé. C'est ce miel empoisonné. Le plaisir volé, ça veut dire tout simplement des personnes qui volent l'image d'un être. N'est-ce pas? Pour aller se procurer un plaisir. Parce qu'on ne se masturbe pas seul. On se masturbe avec l'esprit. C'est le cerveau qui te permet d'éjaculer. Et parce que tu as vu, tu as fermé les yeux et le cerveau garde l'image de la personne. Et tu lâches. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, comment les hommes pratiquent la masturbation? Quand tu parles des hommes, c'est qui? C'est l'homme... Les garçons, sexe masculin. Ah oui, parle donc de avec sexe. Petit H. Parle donc de sexe. Sexe masculin. Bon, ok. Je suis très content, je crois que c'est la énième fois que je m'adresse aux jeunes et aux auditeurs de Miango FM. Ils savent la façon et la manière par laquelle je prends mon courage et je dénonce et je dis des choses. J'appelle le chien et chat. C'est ce que nous allons faire là maintenant. Exactement. Ils le savent. Mon cher ami, au forum éducatif et social pour la promotion de l'aide aux communautés dont je suis le médecin coordonnateur des activités. Vraiment, c'est vrai que ma casquette même de sociopsychologue, tu n'as pas fait cas. Tu as juste présenté celle de... Ah oui, je reçois beaucoup de plaintes. Assez. Les jeunes viennent vers moi. Ils me demandent, docteur, je me masturbe. Je ne comprends rien. Les couples viennent se plaindre. Je me masturbe. Pourtant, je suis marié. Alors, vous voyez que en face des personnes malades, parce que c'est une maladie, hein? C'est une pandémie. Ouais, la masturbation, c'est très grave. Parce qu'il y a même quelqu'un que tu connais, que tu ne pouvais jamais imaginer qu'il peut faire ça. Il le fait. Un homme de la République, un monsieur bien. Mais il le fait. Il est passé devant moi. Alors, ce plaisir, ce miel empoisonné est très dangereux pour des personnes qui ont l'habitude d'utiliser, comme nous disons dans le jargon, ils prennent le savon pour travailler ou la vaseline ils utilisent leur main droite. C'est très grave. Comment ils font avec la main droite? C'est très grave. Bon, ils font ce qu'on appelle le mouvement Gokam. Le va et vient. Le va et vient. Le va et vient. Ils se retirent, ils sont seuls dans leur petit coin. Oui, ils font le va et vient, ils glissent, et c'est comme ça qu'ils versent, comme ils disent. Et je dis, ce sport-là ne devrait pas se pratiquer tout seul. Dieu n'a pas été con. Il a créé l'homme. L'homme avec une caquette. Et après, il a vu qu'il n'était pas épanoui. Il lui a amené la femme. Et il s'est senti épanoui. Quand l'homme ne va pas vers la femme, c'est très grave. Et quand la femme ne va pas vers l'homme, c'est aussi grave. Pourquoi est-ce qu'on se masturbe? Certains, parce qu'ils n'ont pas de possibilité pour affronter une femme. D'autres, parce qu'ils ont développé ça depuis leur tendre enfance. Je vais attirer notre attention. Dans ce studio, nous sommes tous là des hommes. Si vous avez bonne mémoire, faites un flashback dans votre cerveau, vous verrez qu'une seule fois dans la vie, vous serez masturbé. Vous êtes masturbé. Ouais. Et ça, c'est vrai. Et indépendamment même de votre volonté, regardez 4 heures, 5 heures du matin dans le sommeil du jeune, de l'adolescent. Vous avez éjaculé. Et vous avez cherché dans votre tête à savoir qu'est-ce qui m'a procuré un plaisir là. Vous avez cherché et vous avez trouvé et vous êtes resté là-dedans. Parce que vous n'avez pas eu la formation sexuelle assez tôt. Vous voyez que les blancs, puisque nous prenons toujours ces mauvais exemples, le blanc, dès 12 ans, dit à son fils, voilà ce qui peut t'arriver. Et si tu veux te sentir à l'aise, il faut que tu vas avec une fille qui a 15 ans. Donc plus âgée que toi. Parce qu'on sait toujours la maturité même du cerveau de la fille est assez plus importante que celle de l'homme. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Oui, parfaitement. Voilà. Pourquoi est-ce que le monsieur dit va avec ta fille, tu as 12 ans, mais tu dois aller avec une fille de 15 ans? Parce que la fille aura tout le temps pour enseigner. C'est un enseignement, la sexualité. Elle aura tout le temps. Même si elle n'avait jamais pratiqué. De naissance, la femme est suffisamment développée par rapport au sexe. Vous voyez qu'on n'a jamais dit à une femme, quand tu arriveras dans ton foyer, tu te coucheras sur le dos, tu écarteras tes jambes. Ce sport-là, on le pratique comme ça. On est né avec et ça se développe. Alors, donc, je dis avec les hommes, quand vous n'avez pas formé ou quand le gars n'a pas eu un bon formateur ou des parents avisés, il doit rester militant du bras droit, donc du Gokam. Et ça devient très grave. Parce que si jusqu'à 18 ans, 20 ans, 25 ans, il est avec le Gokam, quel que soit le salaire que ce garçon aura dans sa vie, il n'aura pas envie de se marier. Docteur, permettez-moi de comprendre. Oui. Vous militez pour que les parents enseignent la sexualité aux enfants à partir de 12 ans. C'est clair. Nous avons vu une vidéo que me montrait le directeur des programmes de Miango FM récemment dans un pays d'Asie proche de l'Inde où une maman montrait des mouvements sexuels à son jeune garçon de moins de 8 ans. Il prenait déjà avec lui, elle jouait avec lui, il était nu, elle était nue, et puis elle lui montrait des mouvements sexuels déjà. C'est ce type d'apprentissage sexuel dont vous parlez? Non, là, c'est satanique, ça. Moi, je parle de 12, parce que je me réfère aux 12 tribus d'Israël, parce que ça fait la maturité, non seulement du monde, mais même la maturité du cerveau. Un enfant de 8 ans ne retient rien, mais quand c'est du gâchis, ça reste indélébile, c'est une tâche. D'accord. C'est ça. 12 ans, c'est important. Je vais revenir à vous, Edmond Kamga. Alors, vous avez fait des études de théologie et vous êtes également journaliste. Alors, comment comprendre ce phénomène lorsqu'on donne les chiffres de 15 à 25 en 13%, les adultes 8%, les couples 3%. Alors, comment comprendre ce phénomène-là, la masturbation, à des pourcentages aussi élevés? D'abord, permettez que je fasse un développement en tant que théologien. Je suis théologien catholique. Exactement. Et à ce titre, je dois vous revenir dans la Bible pour dire ce que Dieu a prévu pour les hommes. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, verset 27, Dieu créa l'homme à son image. À son image, il le créa. Homme et femme, il les créa. Mmh. Et plus loin, dans le verset qui suit, le verset 28 du premier chapitre de la Genèse, il leur assigne une mission. Il est béni, l'homme et la femme. Dieu bénit l'homme et la femme. Soyez féconds. Allez remplir la terre. Dominez-la. Et ceci est important, il faut le noter. La mission que Dieu assigne à l'homme et à la femme. Il faut dire que tout à l'heure, le docteur, à un moment donné, a dit quelque chose d'important. Il a dit que l'homme n'était pas épanoui. C'est ainsi que Dieu lui a accolé la femme. Effectivement, dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, verset 18, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu a effectivement constaté que l'homme n'était pas épanoui quand il a créé. C'est pour cela que il y a, dans le même livre de la Genèse, dans les versets qui suivent, Dieu endort l'homme. Dans sa torpeur, lorsque l'homme est endormi, il l'estrait sa côte, referme la chair. De cette côte, il fabrique la femme. Mmh. Quand l'homme se réveille, il s'écrie. Voici l'os de mes os, voici la chair de ma chair. Ça, c'est Genèse 2, 23. Et c'est pour cela qu'à Genèse 2, 24, l'homme quittera ça. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux ne constitueront qu'une seule chair. Et Saint Paul, justement, cette phrase est très importante dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 5, verset 31. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Quand on le dit ainsi, cela conforte le fait que l'acte sexuel s'est entendu comme l'acte conjugal. Mmh. L'acte sexuel doit, sur le plan de la morale sexuelle, se dérouler dans le mariage, parce que le mariage est sacré. Le mariage est une institution divine. Dans la morale sexuelle, la masturbation, comme d'autres déviances sexuelles, sont désapprouvées par l'Église. Ah, l'Église comprend la masturbation comme étant une déviance sexuelle. Elle comprend. Monsieur. Elle comprend comme une déviance sexuelle. Et elle promeut des valeurs qui vont dans le sens de la maîtrise du corps, afin que l'enfant, apprenant la morale sexuelle, se prépare à vivre l'épanouissement dans le cadre du mariage. C'est pour cela que j'ai cité la Genèse et l'épître de Paul aux Éphésiens, qui disait que l'homme, quand il est en âge de se marier, quitte son père et sa mère et il rencontre sa femme. Alors, et tous les deux construisent une seule chair. Vous qui êtes... Moi, je vois l'acte sexuel dans le mariage, pas avant le mariage. Ça, c'est le théologien qui parle. Alors, vous qui êtes proche des milieux catholiques, vous l'avez dit. Oui. Alors, dans les séminaires. Oui. Alors, et même pour les jeunes prêtres, les prêtres qui sortent du séminaire. Alors, comment ça se fait? On choisit des gens virils qui doivent vivre seuls toute leur vie. Est-ce qu'on ne pourrait pas penser que, justement, ils arrivent pour certains à rester seuls parce qu'ils pourraient pratiquer ce sport-là, qu'est la masturbation? C'est une très bonne question. D'abord, j'essaie d'expliquer ce que l'Église veut faire passer comme message à travers le fait que pour entrer au séminaire, il faut être viril. Il faut le sacrifice. C'est vrai, avant le sacrifice, il y a l'appel. Tu dois avoir la vocation. Dieu t'a appelé. C'est pour ça que tu viens au séminaire. Si tu n'es pas appelé, tu vas monter, tu vas descendre, tu seras un mauvais pasteur, tu seras un mauvais prêtre, parce que Dieu ne t'a pas appelé. Mais quand Dieu t'appelle, tu as un encadreur spirituel qui te guide, tu entres au séminaire, on te suit, tu peux devenir un bon prêtre, un bon pasteur. Bon, maintenant, sur la question que tu as posée, pourquoi, maintenant, sur la notion du sacrifice qu'il faut faire, parce que quand tu entres viril, cela signifie que tu pouvais, à travers la mission que Dieu a assignée à l'homme et à la femme, de remplir la terre, l'homme et la femme. C'est une vocation de se marier. C'est également une vocation d'être dans un état de vie de célibat. C'est une vocation. Ce n'est pas donné à tout le monde. Tout le monde ne peut pas vivre dans cet état de vie où il faut, faire le vœu de chasteté et respecter le célibat. Mmh. Effectivement, je conçois avec vous, parce que le fond de votre question, c'est la difficulté à vivre cette relation que l'on souhaite d'après les enseignements de l'Église sans se masturber. Je crois que c'est le sens profond de la question. Exactement. En réalité, il est possible qu'en entrant au, avant ou à l'intérieur du séminaire, le séminariste, dans son vécu quotidien, c'est-à-dire dans sa vie de tous les jours, parce que c'est un être humain, parce qu'il a des sensations, il a des hormones, qu'à 4, 5, 6 heures du matin, c'est un mouvement, l'érection est naturelle. Le médecin, là, il va le confirmer. L'érection, c'est un mouvement naturel. Mais maintenant, comment il faut le gérer? Est-ce que parce qu'on a l'érection chaque matin, on doit utiliser le savon, se masturber? On doit en appeler à une image qui nous aide à nous masturber. That's the question. C'est ça la question. Je voulais donc dire qu'il est possible que malgré les efforts que l'on fait, malgré la maîtrise que l'on peut avoir, on est faible. Parce que la chair humaine est faible. L'esprit est ardent. On se masturbe malgré tout. Ça peut arriver. Mais c'est, donc, c'est un travail à faire. En réalité, c'est un travail à faire. Parce que, comme il l'a dit le médecin, il est déjà arrivé à chacun de nous de nous masturber dans notre vie. Et comme il l'a dit si bien, ça ne concerne pas que les jeunes. Ça concerne les personnes âgées et davantage même les couples. Et il y a plusieurs raisons, j'espère on reviendra les raisons qui amènent les gens dans le couple à se masturber. Bien sûr. Alors, avant d'en arriver à Frère Junior Tchabda, Docteur Blaise Antoine, nous avons essayé de faire un vox pop hein, avant l'émission. Nous sommes même d'abord baladés ici dans notre radio Miango FM. Tout le monde, personne n'avoue jamais s'être masturbé. Autant que ce matin. Alors, pourquoi les gens ont honte d'avouer qu'ils se masturbent? Est-ce que on devrait avoir honte de cela? D'accord. Est-ce que nos auditeurs peuvent me donner une seule minute? Je ne demande pas à toi. Ah, d'accord. Tu es en face de moi. Oui, les auditeurs m'ont dit d'accord. C'est juste pour ajouter de l'eau dans le moulin. Exactement. D'Edmond. Tu as laissé, nous venons de laisser là, nos auditeurs sur leur soif. Il a touché quelque chose de très important, mais il fallait que tu le pousses à finir parce que tout à l'heure, tu as enculé ton voisin de gauche. Il fallait que ça aille jusqu'au bout pour que les auditeurs puissent étancher suffisamment leur soif. Ça, c'est par rapport aux jeunes qui rentrent au séminaire pour devenir prêtres. Ce qu'il a expliqué, c'est juste. Et maintenant, au quartier, les gens vont dire, mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas posé une question? Pourquoi les prêtres ne se marient pas? Est-ce que quand ils se masturbent, là, ils n'ont pas besoin de la femme? Il a bien dit, il faut être appelé. Et il faut profiter de tes antennes pour dire aux gens que rester comme ça, chaste, c'est une vocation. C'est le vouloir. C'est le qui veut et le peut aussi. Vouloir, c'est pouvoir. Alors, qu'ils partent lire. Je ne suis pas comme eux. Je n'ai pas fait des études bibliques. Je suis simple chrétien. Ils doivent lire dans... Ils doivent aller. Hein. Je crois que c'est Paul qui le dit très bien. N'est-ce pas? Quand les gens s'interrogent, les prêtres catholiques doivent se... Je ne suis pas l'apôtre de femme, mais c'est parce que je suis dans un centre d'écoute. On me pose beaucoup de questions. Les prêtres catholiques devraient se marier comme des pasteurs. J'ai un ami pasteur, il a trois femmes, mais on ne connaît qu'une seule. Il a trois, mais on ne connaît qu'une seule. Et chaque fois, je lui dis, tu iras en enfer. Il me dit, même le papa dit que l'enfer n'existe pas. Un pasteur. Mon ami, si on met les loups derrière toi qui est évangéliste, tu vas trouver plus d'une personne. Non, mon épouse se trouve en plein. Je dis que si on met les loups derrière toi, c'est pour te dire ceci. Paul dit très bien, Hein, il est dit, vous devriez, vous les prédicateurs, les enseignants, vous devriez vous marier. N'est-ce pas, même l'évêque d'où doit prendre une femme de peur de brûler. Si tu ne peux pas rester comme ça, prends une femme. Il n'a pas dit au moins hein, une femme. Il a dit, prends, tu dois prendre une femme. Alors, maintenant, les catholiques ont choisi dire non, nous n'en prenons pas, puisqu'il est même écrit pour rester tranquille. Ça veut dire servir. Ils sont là juste pour leur sacerdoce. Alors, docteur, vous n'allez pas parler de religion parce que vous êtes médecin. Si vous parlez de médecine, nous, tu as dit c'est un fourre-tout. Il faut que nous essayons à égayer les tympans de ceux qui nous écoutent. Il y a un théologien et il y a un pasteur. Les choses peuvent bien les échapper. Je suis pauvre chrétien, je suis croyant. Alors, le point de vue. Junior Tchabda, oui. Est-ce que la Bible mentionne le mot masturbation? Voilà. Là, nous pensons dans qu'il faut toucher la pensée de Dieu concernant ce sujet. D'abord, le mot masturbation est venu longtemps après. Quoi, c'est Montaigne qui le signifie plusieurs fois. Et je vais signifier, je vais essayer de donner l'origine du mot masturbation. Parce que si vous posez la question, si le mot masturbation est mentionné dans la Bible et que c'est au XVIIe siècle, par exemple, que le mot masturbation est entendu pour la première fois, on doit se référer à la Bible avec le sens de l'étymologie de Dieu. C'est clair. Alors maintenant, tout à l'heure, le docteur, le sexologue a défait, comme vous pouvez remarquer, j'étais en train de noter quelques points qu'il a soulignés. Il a dit que c'est un plaisir volé, de miel empoisonné. Et il dit, les gens se masturbent avec l'esprit. On ferme les yeux et puis ça m'a donné un verset biblique. Effectivement, ce verset biblique parle directement de masturbation. Si vous lisez le livre de Proverbes, chapitre 16, le verset 30, la Bible déclare que celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui mord les lèvres a déjà consommé le mal. Or, effectivement, la masturbation, justement, c'est un phénomène de l'esprit. Parce que pour avoir de l'excitation, vous devez vous imaginer, donner une image avant de toucher les parties érogènes de votre corps. Et donc, dans ce sens-là, justement, nous voyons effectivement que Proverbes chapitre 16, verset 30, pour répondre directement à votre question, parle de la masturbation. Hormis le fait que tous les panélistes ont et normalement la moralité. Comme ce qui a foutu le camp chez les Blancs, comme il a dit, la moralité africaine veut qu'on considère le mariage comme Dieu l'a considéré dans le livre de Genèse. Et par conséquent, la sexualité n'est réservée que dans le cadre du mariage. Toute autre déviation, et quoi nous touchons également en Angola, un autre mot qui se trouve dans la Bible, l'impudicité. Il y a ces corollaires tels que la débauche, l'immoralité sexuelle. Le mot impudicité, si vous lisez le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, particulièrement verset 9, il dit, ne vous y trompez pas, les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu. Il dit, ni les impudiques, ni les idolâtres, les efféminés, ainsi de suite, les adultères, n'hériteront le royaume de Dieu. Le mot impudique là-bas, en grec, est rendu par pornéa, d'où est sorti le mot pornographie. Effectivement, ça veut dire que tout genre de rapports sexuels que nous avons, c'est-à-dire que vous pouvez y mettre la masturbation, les attouchements et toutes les autres choses, hormis dans le cadre du mariage, est considéré par la Bible comme de l'impudicité. Donc la masturbation doit en faire partie de ces gros lots qu'on appelle donc l'impudicité ou bien l'immoralité sexuelle. Parce que immoralité sexuelle, ça suppose que c'est une relation sexuelle qui ne passe pas dans la morale. Voilà. Et par conséquent, donc le rapport sexuel, comme Dieu l'a signifié, en bénissant les couples dans Genèse chapitre 1, comme notre compagnie l'a signifié, veut dire clairement que Dieu a réservé le rapport sexuel dans le cadre d'intimité. Alors, je vais vous poser une question claire avant de revenir au docteur pour qu'on parle de la masturbation féminine. Alors, est-ce que au lieu de commettre l'adultère qui est condamné de manière expresse par la Bible, un jeune homme ne peut pas se livrer tranquillement à sa masturbation? Voilà, c'est ce que certaines pensées ont dû souligner. remarquons d'abord qu'au XVIIe siècle, les gens pensaient, particulièrement le docteur, je crois que c'est Samuel Tissot, qui avait écrit des essais concernant la masturbation, et ils appelaient la masturbation comme étant de la maladie. C'est lorsque la révolution sexuelle a eu lieu qu'on a commencé à apprendre maintenant la morale. Et les livres sataniques pullulent du fait qu'on ne doit pas. C'est la culpabilité, justement. Donc, puisque vous avez dit, vous avez fait un vox pop et personne n'avoue être certes masturbé. Vous voyez effectivement que ce sentiment de culpabilité, c'est ce que chez les Blancs, on essaie d'écrire aux gens, de pouvoir surpasser la culpabilité, de vivre le rapport sexuel de quoi? La masturbation comme étant un style de vie, un style sexuel. Et justement, dans le livre de la Bible satanique d'Anton Lavig, qui traite de la sexualité et le satanisme, il dit effectivement que personne n'a le droit de fixer un homme, aucune société, ni même un État n'a le droit de fixer un homme sexuel. Et par conséquent, à Aleister Crowley, qui était un initiateur satanique dans les années 1900, qui en Égypte a écrit cet essai-là sur la Kabbale, appelé le livre de la loi, traite au chapitre 1, parce que son livre a trois chapitres, il traite au chapitre 1 du fait que la loi, toute la loi va se retrouver autour d'un seul mot, do what I will, c'est-à-dire que faites ce que vous voulez. Ou effectivement que le simple fait que l'homme se donne à du libertinage, lui permet de liberté, ça montre effectivement que chaque personne est libre de faire ce qu'il veut, il définit dans sa dans la Bible que il n'y a pas un Dieu qui est quelque part qui est courroucé. Vous voyez, ça veut dire que il faudrait d'abord briser la crainte de Dieu, briser la barrière de l'enfer, briser les punitions afférentes par rapport au péché et définir le péché comme étant la quoi, les tentatives de la religion d'arrêter les hommes, d'empêcher les hommes d'assouvir leurs besoins. Lorsqu'ils ont fini de faire cela, donc on peut injecter donc cela dans les éducations et particulièrement, je crois en juin 2009, il y a eu un forum dans l'UNESCO, je crois que c'est 89 pages, 98 pages sur l'éducation sexuelle que l'UNESCO doit prolonger dans le gouvernement. Et dans cette éducation sexuelle qui doit être assignée au gouvernement, on voit effectivement comment il faut éduquer les enfants depuis l'âge maternel. Et quoi, il y a cela 2 ou 3 ans, il y a la théorie déjà qui est venue de l'Europe et ça a fait moult face. Mais là, vous posez la question, est-ce qu'au lieu de commettre l'adultère, un garçon, ce ne serait pas bien pour faire la masturbation? Mais la Bible déclare que celui qui a condamné le mensonge condamne aussi l'homosexualité. C'est la même personne qui condamne ceci. Ça veut dire que vous serez en enfer, chacun sera dans la cellule. Il y aura la cellule de ceux qui ont commis l'adultère, il y aura la cellule de ceux qui ont fait de la masturbation. Donc si vous esquivez la masturbation, vous tombez dans le cadre des adultères. Donc ça veut dire que, en clair, le péché, c'est le péché. Alors, monsieur le médecin Blaise Antoine, alors comment se passe la masturbation féminine? Déjà, est-ce que est plus dangereuse que la masturbation masculine? Parce que vous avez expliqué tout à l'heure que la masturbation masculine, c'est avec, je sais pas, du savon ou un lubrifiant, un mouvement va et vient. Go cam. Alors, comment se passe la masturbation féminine? C'est même la pratique la plus rapide chez les femmes. Ah bon? La plus rapide chez les femmes. Il suffit qu'elle se mette même debout, comme vous le faites aussi souvent là. Vous les jeunes, elle pointe le majeur sur le clitoris, elle appuie en frottant un peu, en le bougeant un peu, 2-3 secondes, elle a éjaculé. Ah bon? Ouais, elle se libère. Bon, il y a une technique, je voulais vous poser la question de savoir, il y a des femmes en Europe qui estiment que en retenant les urines pendant très longtemps, vous voyez, quand elles vont aux toilettes et qu'elles font pipi, elles ressentent l'extase jusqu'au niveau du dos. Alors, est-ce que c'est une forme de masturbation aussi, retenir ses urines pendant longtemps? Non, ça, quand tu dis même retenir les urines pendant longtemps, quand elles se libèrent, je crois que c'est les reins qui se sentent à l'aise, ce n'est même pas la hanche, parce que quand tu dis sur le dos, tout ce qu'on peut ressentir après avoir libéré la vessie, c'est les reins, parce que quand les reins ont fait les trop pleins de déchets, et vous n'avez pas évacué, quand vous libérez, ils se sentent aussi, ils se libèrent, et puis quand on parle de se masturber, c'est atteindre l'orgasme, la femme atteint l'orgasme, c'est à l'intérieur, parce que ça commence là-bas au cervelet, ça descend la colonne vertébrale, ça fait un vent, ça fait ça, comme un courant électrique. On ne peut pas aller faire pipi et puis éjaculer. C'est comme quelqu'un ne peut pas, au même moment qu'on fait les selles, on libère aussi la vessie. Vous ne pouvez jamais réussir. Vous étouffez votre prostate. On doit soit d'abord faire pipi et ensuite on doit faire les selles. Donc impossible qu'on soit en train d'uriner et d'atteindre l'orgasme. Mais non. Vous avez pas entendu parler des femmes fontaines, c'est-à-dire que lorsque... La femme fontaine, c'est celle-là qu'après une simple caresse, vous la voyez couler, c'est celle-là que nous n'aimons pas assez en Afrique. La femme fontaine, c'est celle-là qui, c'est comme si on avait versé, on avait ouvert le robinet, dès que vous la pénétrez, c'est le fioc. Et docteur, pour finir avec vous, est-ce que lors de la masturbation féminine, il n'y a pas utilisation d'objets pour pénétrer le vagin? Ah bon, attends. Là, quand on parle de la masturbation, il faut faire le distinguo, n'est-ce pas, entre la provocation et la masturbation. Parce que quand tu as utilisé un pénis artificiel, n'est-ce pas? C'est vrai que tu voles l'image, mais ce n'est plus la même chose. C'est quand tu utilises le doigt. Pour la femme, c'est le majeur. Pour l'homme, c'est la paume de main. À l'aide de son pouce. Hein? Alors, quand tu utilises un pénis artificiel, c'est vrai qu'à rabut, on dit je me suis masturbé. Non. C'est encore un autre langage. Tu as entretenu des relations sexuelles coupables. Ça veut dire tout simplement que le mari, l'homme de tous les jours, il n'est pas là et il t'a dit, vas-y. Elles le font souvent en bavardant. Joseph, Non, vraiment, Herman, c'est bien, vas-y. C'est ce pénis artificiel qui remplace le pénis de leur homme. Tu comprends? Parce que quand elles envoient plus loin, il y a la forme du bas de ce pénis artificiel qui représente les testicules. Quand ça se cogne là, elle a son nom. Contrairement à un doigt où elle ne met pas dans le vagin, mais elle dépose sur le clitoris. Voilà où est la différence. Pour elle, et pour des personnes, donc, des personnes qui utilisent ce pénis, nous n'avons pas assez de condamnation. Pourquoi? Parce que quand tu regardes dans l'histoire, on a donné beaucoup de pénis, on a distribué beaucoup de pénis aux femmes des militaires à l'époque. Quand tu devais quitter, on a donné même à nos mamans, pas à ta mère, parce que ta mère peut être seulement ma petite soeur. Elle n'a pas l'âge. Quand les tirailleurs, les creuseurs d'orange partaient, quand on venait prendre les tirailleurs ici pour partir, là, les personnes un peu aguerries, on les remettait des pénis pour qu'ils laissent à leur femme, à leur épouse. Et ils utilisaient. Il montra à la femme, voilà comment tu vas faire. Et appelle mon nom, Blaise Antoine. Blaise Antoine, et tu as là, et puis tu atteins l'orgasme. Là, c'était pour mettre, parce qu'on parle là de l'infidélité, c'était pour mettre la barrière, que cette dernière ne reste pas allée commettre l'infidélité à l'assemblée de son mari. Justement, Edmond Kamga, il y a une auditrice qui nous a confié que son mari est marin et il va souvent passer 6 mois en mer. Alors, lorsqu'il n'est pas là, elle a recours à cette méthode-là, elle se masturbe. Est-ce que dans ce cas-là, l'Église catholique dont vous êtes proche peut comprendre la masturbation? Non. L'Église désapprouve. L'Église, parce que ce n'est pas une pratique normale, humaine. Enfin, elle est humaine, mais elle n'est pas normale. Elle n'est pas approuvée. L'Église ne l'approuve pas. Parce que ça fait partie des impudicités dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire une pratique sexuelle qui ne rentre pas dans la morale sexuelle ordinaire. En réalité, ce sont des subterfuges que nous utilisons. C'est-à-dire que nous, les hommes comme les femmes, on trouve des subterfuges pour pouvoir se consoler, se donner du plaisir. Mais c'est un plaisir égoïste. Chaque fois qu'on se donne un plaisir égoïste, il y a un problème. Parce que ça se passe dans la tête. La masturbation, je dois l'avouer, ici, c'est un phénomène qui arrive à tous les hommes, à toutes les femmes. Jeunes, personnes âgées, mariées, les raisons sont diverses et variées. Ce que peut faire cette dame dont le marin va en mer tout le temps? Elle peut prier. Elle peut penser profondément à son homme. Elle peut penser profondément à son homme. Ça peut lui créer des situations, ça peut créer des situations émotives en elle. Mais elle n'est pas forcée, elle n'est pas obligée de se masturber. Elle n'est pas obligée de se masturber pour se consoler. Elle n'est pas obligée de se masturber. C'est ce que je peux vous dire. Alors, Junior Tchabda, est-ce qu'une femme qui est mariée, c'est-à-dire qu'une femme, elle est mariée, elle a l'habitude d'être avec son époux tous les jours. Est-ce que l'absence prolongée ne peut pas être comprise par vous dans vos milieux? Il faut qu'on comprenne, on faut se comprendre. C'est Dieu qui a créé l'homme et la femme et il a signifié ses lois. Ce n'est pas nous, les dirigeants de l'église ou bien des enseignants qui devons donner la normalité maintenant. C'est que nous tous nous respectons, puisque moi je suis marié. La même chose qu'il dit aux gens, je dois le pratiquer, sinon je serai un hypocrite. Vous voyez? Donc je ne peux pas dire que non, ok, moi dans ce cas-là, cas A, nous essayons de comprendre. Il faut la comprendre. Non, ce n'est pas nous qui fixons les normes et nous ne pouvons pas essayer de détourner la loi de Dieu pour des cas spécifiques. D'accord, Adam, avant que Ève n'arrive, il faisait comment? Il n'en connaissait rien par rapport à la possession parce qu'il était dans la perfection la plus parfaite. Ok. Permettez-moi j'aimerais parce que nous sommes au moins sur un point ici parce que j'étais surpris d'entendre le sexologue parler de la valeur morale a foutu le camp. Je crois que s'il est sur un plateau de télévision ou de radio avec les sexologues européens, il aura mal à partir avec ces idées-là parce qu'en réalité depuis la révolution sexuelle des 1970, presque tous les moyens de sexologie parlent de la masturbation comme effectivement les sexologues donnent les bonnes vertus de la de la masturbation. On en parlera. Et par conséquent, je m'aimerais bien, si vous le permettez, un instant, donner la définition, quoi, les définitions étymologiques, parce que même l'étymologie cache souvent des pensées derrière. Le mot masturbation a été formé pour la première fois dans la langue française par Montaigne sous la forme manustupration. Dans l'apologie Raymond Sebond, du 12e chapitre du 2e livre d'essai. Ce mot coexiste pendant pendant près d'un siècle sur deux formes, manustupration et masturbation. Donc le premier, manustupration, vient de deux mots, manus, qui veut dire main, et stupration, action de souiller. Et par conséquent, masturbation voudrait dire se souiller avec la main. Voilà. Et la masturbation donc, est donc le fait de se souiller avec la main, ou se donner de la stupide, c'est-à-dire plaisir honteux par la main. Et par conséquent, toute personne qui le fait effectivement en train de se souiller avec la main. Aujourd'hui, dans les synonymes qu'on peut utiliser aujourd'hui, c'est l'onanisme ou bien l'abus de soi. Maintenant, pour ne pas trop gêner la sensibilité, les sexologues européens ont trouvé les termes palliatifs par rapport à cela pour ne pas trop blesser la sensibilité, l'autosexualité. Il parle de l'autosexualité. Donc, on voit effectivement qu'en entrant dans l'étymologie de la fondation, parce que tout à l'heure, on m'a posé la question si le mot masturbation se trouve dans la Bible. Et on voit effectivement qu'à l'étymologie même du mot masturbation, c'est l'action de se souiller. Et dans le livre de Genèse, au chapitre 38, verset 7, il y a un monsieur qu'on appelle Onan qui allait avec la femme de son frère, qui s'est souillé à terre. La Bible, littéralement, le mot, il s'est souillé à terre. Ça veut dire qu'il ne permettait pas que le spermatozoïde soit déposé dans le vagin pour pouvoir procréer. Et donc, cette action de se souiller à terre était condamnée par Dieu. Et Dieu a dû le tuer. Edmond Kamga, est-ce qu'il y aurait des vertus dans la masturbation? Oui, une certaine littérature. Parce que je lis tout. Je suis journaliste, je suis théologien, je lis toute la littérature. Pas seulement chrétienne, même islamique et d'autres philosophies. Et une certaine littérature que j'ai lue fait la promotion de la masturbation. Et dans cette promotion de la masturbation, une des choses que j'apprends par rapport à certaines maladies, c'est un élément préventif. C'est-à-dire ça prévient, ça n'attend pas que la maladie arrive pour que vous cherchiez à la guérir. Ou à la soigner. C'est un élément préventif. Ça évite, par exemple, les cas de prostate. Tout à l'heure, le médecin, on va peut-être en parler. Mais certaines littératures estiment que il faut, si vous n'avez pas la possibilité de rencontrer une femme, vous n'êtes pas en situation où vous n'êtes pas assez courageux, au lieu de rester longtemps sans faire l'amour, vous vous masturbez parce que c'est important, ça éloigne la possibilité d'avoir la maladie de la prostate, les cancers de prostate. Bon, là, je ne peux pas le vérifier, mais il y a une argumentation scientifique solide là-dessus. On va interroger le médecin. Ouais. Le médecin va nous dire. Tout de suite, docteur Blaise Antoine. Alors, c'est quoi la prostate et est-ce que la masturbation est la solution miracle contre la prostate? La prostate même, c'est notre membrane qui nous permet d'éjaculer, qui régule l'éjaculation, la sortie du sperme ou bien... les urines, je vais vous expliquer. Ça, c'est un groupe de masturbateurs qui ont écrit des choses comme ça parce qu'ils veulent se cacher là. C'est les enfants de Lucifer en personne qui cessent de vous tromper. Moi, je suis un grand-père avec mon premier petit-fils à 17 ans qui vous a appris qu'en éjaculant chaque fois, on prévient le cancer de la prostate. C'est ça qui appelle même le cancer de la prostate. L'éjaculation très très régulière. C'est ça qui appelle d'abord pourquoi est-ce qu'on va directement au cancer de la prostate. C'est déjà un stade avancé quand on parle de cancer. Je veux parler de la prostatite. Donc l'inflammation de cette membrane. Attention, vous allez voir tous ces jeunes qui se livrent à ce sport lithique est régulier. À 35-40 ans, ils ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. Quand vous dites ça, les enfants qui vont passer tout le temps à utiliser leur main droite, demain, ils ne pourront plus avoir soit une éjaculation, et même, ils vont perdre leur libido. Vous allez dire que cet enfant est malade. Non, il a passé tout le temps à s'auto-détruire. C'est l'auto-destruction. Qu'on ne vous trompe pas. Je reçois tous les jours que Dieu a crié. D'ailleurs, je renvoie des messages depuis là. Je reçois tout le jour que Dieu a créé des personnes qui souffrent de l'inflammation de la prostate. Dû à quoi? Trop d'éjaculation. Trop d'éjaculation. Cette membrane nous sert chaque fois, voilà son travail. Malheureusement, on n'est pas à la télévision pour qu'on voit le geste que je fais. Donc, chaque fois, oui, imaginez donc les éjaculeurs là. Ils ont le temps de... Voilà. C'est comme un caoutchouc dont vous avez mis sur votre doigt. Quand vous voulez éjaculer, le caoutchouc lâche, le sperme sort. Alors, ça se referme. Quand vous voulez faire pipi, ça lâche vers le bas, vous urinez. Chaque fois, comprenez que le jet, quand vous éjaculez, vous sentez qu'il y a un jet. Oui. Ouais, ça bouscule là dans le vagin de la femme. C'est le travail de la prostate. C'est la prostate qui fabrique un petit liquide qui permet la conservation non seulement des spermatozoïdes, mais ça permet aussi que le sperme soit fluide, que ça glisse aussi facilement là, pour permettre la migration de spermatozoïdes. Alors, chaque fois donc, que vous êtes en train de le faire travailler, vous le fatiguez. Ce n'est pas différent d'une personne, des femmes qui passent à longueur de journée, tu vois une femme toujours en train de mâcher le chewing-gum, elle dit qu'elle chasse la mauvaise haleine. À 40-50 ans, elle aura mal au temple. C'est une personne qui ne pourra pas manger de la viande. Vous voyez, donc c'est la même chose. C'est de la même chose. Donc la masturbation n'a aucun avantage, docteur? Zéro avantage. Mais c'est quand même curieux. C'est quand même curieux parce que vos collègues européens écrivent... Ils sont en Europe. Ils écrivent. Ils font ça parce qu'ils ont besoin d'argent. L'estime de soi. Quand tu dis que ça fait du bien sur le rythme cardiaque... Oui, c'est ce qu'ils disent. C'est déjà très faux. C'est déjà très dangereux parce que une personne qui a atteint l'orgasme, quand tu éjacules, ce n'est pas ton pulse. Est comparable au pouce de quelqu'un qui a fait un marathon de 15 km. 15 km. Et les sexologues conseillent en Europe de le faire 15, on peut faire 15 fois. Non, et puis moi je dis, ça ne va pas. Qu'ils le fassent là-bas. Mais ici chez nous, je dis non, j'ai 42 années de métier, j'ai appris ça chez eux. Je sais ce qu'ils disent de vrai et ce qu'ils disent parce qu'ils veulent vendre leur documentation, ils veulent s'enrichir. Mais sur le dos des pauvres qui n'arrivent pas à réfléchir. Frère Junior Chabda, qu'est-ce que les Européens disent sur les avantages de la masturbation? Parce que les auteurs ne font qu'envoyer des messages là-dessus. En fait, ils disent effectivement que c'est bien pour la médecine, sur le corps humain, sur le cadre de rythme cardiaque, pour le cadre de prévenir le cancer de la prostate, comme on a dit là, l'estime de soi, parce qu'ils estiment que ça permet à l'homme de gagner la confiance en soi, d'être viril plus tard, ou bien de contrôler son éjaculation précoce, que ce sont les avantages. Mais en toi, des fois, nous voyons effectivement que déjà, c'est parce que la société, et je prends le sexologue à témoin par rapport à ce dit, il a dit que c'est parce que les valeurs morales ont foutu le camp. Il a même parlé tout à l'heure dans son entrée en parlant du fait qu'on a enlevé les lois, l'éducation morale dans l'éducation publique au Cameroun. Au fur et à mesure, vous voyez effectivement que lorsqu'on a enlevé ce que Dieu appelle par péché, l'homme peut y mettre n'importe quoi et tolérer n'importe quoi. C'est en fait parce que le système européen, ou mieux encore le système comme nous connotons les blancs, ne veut pas entendre de Dieu. Et quand on n'entend pas de Dieu, on peut se livrer à n'importe quoi. Vous voyez effectivement, quand on dit par exemple aux enfants, il faut apprendre la masturbation, la sexualité aux enfants. C'est aux parents, normalement, de parler d'éducation sexuelle à leurs enfants. Maintenant, j'ai fait un coup au point où en Allemagne, je crois qu'un homme a été arrêté à cause du fait qu'il a refusé à son enfant d'assister à un cours d'éducation sexuelle à l'école maternelle. Il a dû payer, c'est 135 euros pour le fait qu'il a empêché son enfant d'y aller. Par conséquent, à l'âge de 2 ans, qu'est-ce que Satan a fait? Satan a développé pervers. Parce qu'ils savent que Satan connaît effectivement que la jeunesse, c'est l'âme de destruction pour lui potentiellement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut installer ça dans le background spirituel de l'enfant afin que l'enfant grandisse avec cela. Chez les Blancs, ils trouvent tout cela normal. Alors, Edmond Kamga, il y a une auditrice qui insiste, elle demande que c'est à vous que je pose la question. Alors, elle dit, ma question est infidélité ou masturbation? Se masturber peut être une infidélité, c'est la question qu'elle pose. Bon, enfin, pour le cas d'une femme qui ne peut pas, c'est-à-dire que là, vraiment, elle ne peut pas se retenir. Il lui faut la délivrance. C'est vrai pour les femmes aussi. Est-ce que vaut mieux pas la masturbation à l'infidélité? Vous savez, cette question-là, je comprends le sens profond de cette question. L'infidélité est un péché. La masturbation est un péché. Vous me demandez quel est le petit péché. Le petit, celui qui est le plus. Qu'est-ce qui est le plus dangereux? Le péché, c'est le péché. Le péché, c'est le péché. Mais au lieu qu'une femme vous trompe, vaut mieux qu'elle se masturbe. Non. Elle ne doit pas être infidèle. D'accord. Elle doit travailler à la maîtrise de soi. Vraiment travailler à la maîtrise de soi. C'est-à-dire, je ne sais pas, il faut probablement qu'elle apprenne à lire des ouvrages chrétiens, mais également des ouvrages de philosophie qui ne sont pas des philosophies importées. C'est-à-dire, il ne faut pas que ce soit des philosophies orientées qui vont dans le sens des déviances. À la limite, elles peuvent même lire des ouvrages sur la littérature africaine. Parce qu'il y a des auteurs africains qui disent des choses importantes sur l'anthropologie, sur la manière dont nos parents se comportaient avant l'arrivée des Blancs. Mais pourquoi, pourquoi c'est les déviances actuelles sont, on a beaucoup plus le sentiment que ces déviances nous viennent de l'extérieur que de l'intérieur. Lisez des ouvrages, des ouvrages. Moi, j'appelle à la lecture des ouvrages comme Cheikh Anta Diop. Beaucoup de choses ont été dites sur l'Égypte pharaonique, l'Égypte ancienne, dans tous les secteurs, que ce soit les langues, que ce soit la manière dont on se comporte, que ce soit le vécu et tout. Je vais rester dans la Bible pour dire, pour expliquer comment c'est dur et douloureux l'infidélité. Regardez ce qui arrive au roi David. Lorsque ce puissant roi décide d'envoyer au champ de guerre son soldat, son officier, parce qu'il a un regard sur son épouse. Il finit par sortir avec cette femme-là, Bethsabée. Il lui fait un enfant. Et rappelez-vous le prophète Jonathan. Quand le prophète Jonathan arrive... Le prophète Nathan arrive. Il nous raconte l'histoire d'un homme qui avait... Les brebis, c'était ça l'histoire des brebis. Il y a un monsieur qui décide de lui prendre sa brebis, c'est-à-dire que ce qui lui est cher, alors qu'il en a plusieurs. Le roi David dit, il demande conseil au roi David, mais comment est-ce qu'on doit agir dans ce cas? Quelqu'un prend au pauvre, à celui qui n'a qu'une seule, alors qu'il en a plusieurs. Il dit non, si c'est moi, je vais le châtier. Il aura la punition la plus terrible. Mais Nathan lui dit que mais c'est toi-même. Il dit mais comment c'est moi-même? Mais c'est toi-même qui as pris la chose qui est chère à quelqu'un qui n'est rien. Tu as envoyé, n'est-ce pas, le soldat, l'officier en guerre et tu as pris sa femme. Alors là, il est tout ahuri. Tu sais, vous savez comment Dieu l'a sanctionné? D'abord, cet enfant qui est né de cet adultère est décédé. Mais en même temps, ce qui est intéressant avec Dieu, c'est que chaque épreuve, chaque difficulté est une opportunité pour faire passer un message. Parce que c'est la même femme. Après le repenti du roi David, après il a pleuré, il a demandé pardon, il a eu toute sa période, j'allais dire, de mise en quarantaine, quand Dieu a pardonné. Mais c'est l'autre enfant, c'est l'autre enfant qu'il réussit à faire, qu'il va vivre, qui vivra, qui deviendra un très grand roi, qui deviendra son successeur, le roi Salomon. Le plus grand roi, le roi de tous les temps, qui a eu autant de femmes, qui a eu des milliers de femmes, des centaines de concubines, même les reines, comme la reine de Saba, l'Africaine, est allée le voir, parce qu'il était sage, intelligent, et tout. Vous dites, ouais, à travers un acte banal, j'allais dire pas si banal que ça, mais une infidélité, Dieu fait passer un message, il y a un grand roi qui en est après le repenti, ça c'est important, le repenti. Donc, chaque fois qu'on a fait quelque chose de mauvais, il faut se repentir. La repentance est importante. Donc, à la question qui m'a été posée, fondamentalement, je vais dire non, il n'y a pas un petit péché à côté d'un grand péché. Tous les deux, c'est un péché. Demandez au Seigneur de vous donner la force de résister à la tentation. C'est tout ce que je peux lui dire. Alors, docteur, quelles sont les conséquences de la masturbation sur le plan physiologique, donc le plan du corps et sur le plan mental? Je commence d'abord sur le plan psychologique. Vous verrez, les adolescents qui ont passé le temps à se masturber ont un raisonnement pas très correct. Ils sont dingues. Vous voyez. Pour peu. Je dis bien pour peu. Que tu essayes à vouloir lui faire une toute petite reproche, il se rebiffe. C'est des enfants ou c'est des personnes qui ne conversent jamais en vous regardant face à face. Ils ont toujours une peur dans le cœur. Ils se disent toujours celui-ci peut savoir que je commets deux péchés, que je me masturbe. Et demander à une personne qui se masturbe, pose-lui la question. Fais un peu comme à l'école primaire. 3 plus 2, moins 1, plus 2. Il va te dire carrément 9. Parce que sa seule stabilité, c'est quand il veut se masturber. Il n'est plus équilibré. C'est des personnes, pour les adultes, tu verras quelqu'un qui tient son téléphone dans sa main droite, remet à la main gauche, fouille les poches, tu lui demandes, mais qu'est-ce que tu fouilles, Blaisant? Toi, il dit, je cherche mon téléphone. Mais tu dis, voilà ton téléphone dans la main. C'est les conséquences néfastes, hein, de la masturbation. Ça, c'est psychologique. Physiologique. Quand quelqu'un te dit, depuis un moment, on vient me voir, ouais, docteur, depuis un moment là, j'ai mal aux reins. D'ailleurs, j'attire l'attention, je dis les reins, quand vous avez mal aux reins, vous allez au service de néphrologie. C'est le néphrologue. Vous n'avez pas mal aux reins, mais vous avez mal aux hanches. C'est de ça qu'il s'agit. Quand les gens à chaque fois disent, j'ai mal aux hanches, ma hanche me fait mal. C'est le résultat de GoCam. Parce qu'ils le font constamment. Constamment, et quelquefois, ils sont debout. Ils se mettent debout pour le faire. Vous voyez que la hanche empathie. Dieu n'a pas été bête de demander qu'on doit s'allonger. Il faut rester allongé pour le faire. Nous avons été jeunes. Nous avons couru un peu les risques. Nous avons eu des amours, comme on dit souvent, derrière les maisons en demandant à une jeune fille, baisse-toi. Elle s'est baissée et nous l'avons un peu fait ça comme ça. Ah bon? Mais au moment... Oui, je suis passé par là. Hein. Son mea culpa. Je suis passé par là. C'est pas ici, je ne veux pas venir ici me déconfesser. Il faut que je me confesse. Alors, et quand tu atteins l'orgasme, qu'est-ce qui t'arrive? La première douleur, tu la ressens où? Aux hanches. N'est-ce pas? Et quelquefois, la femme se relève et te tient un peu de peur que tu ne tombes. Ouais. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne pourrai jamais, n'est-ce pas, communier quelqu'un qui se masturbe sans l'avoir confessé. Alors, tu vois que rien que cette douleur qu'on a à la hanche, c'est déjà suffisant. Et maintenant, vous perdez votre érection avant l'âge de 50 ans. Vous commencez à aller chercher des aphrodisiaques. C'est de ça qu'il s'agit. C'est très grave. Vous ne donnez pas la possibilité aux testicules de travailler à fond. Vous ne pouvez pas grossir une fille ni le 11e, le 12e jour, encore moins le 3e jour, où c'est difficile. C'est difficile pour les garçons de migrer. C'est les filles qui ont cette chance de vite migrer, dont les spermatozoïdes féminins. Ouais. Donc vous voyez la répercussion même dans les couples. C'est dangereusement dangereux, si ça pouvait vraiment se dire. Mais ça se dit au Cameroun, dans notre français, que chacun puisse comprendre. Vous voyez un peu, j'ai 66 ans, 52, janvier, 17 janvier 52, à aujourd'hui, ça fait... Bon, pas très fort en mathématiques, en arithmétique. 66. Ça fait, c'est mon âge. Mais vous voyez qu'au lit, je suis encore compétent. Et puis, non, permets-moi. C'était très important. Au lit, je suis encore compétent. Parce que j'ai compris, quand j'avais ton âge, que je ne devais pas le faire. Je suis passé par là dans mon adolescence aussi. N'est-ce pas? Mais alors, j'ai... Alors, je veux vous poser la question suivante. Ouais. Pour nos auditeurs qui vous écoutent et qui ont pratiqué la masturbation pendant un bon bout de temps, comment en sortir, comment en guérir. C'est justement ça, c'est même la raison pour laquelle, tu vois, j'ai décidé de faire des causeries éducatives dès ce samedi, dès 9h. Je dis, les gens doivent venir écouter. Où ça? Parce que, samedi 9h, au FESPARC, nous sommes à Dedo, là, à côté de MRS du château d'eau Dedo. D'accord. Ouais, l'ONG FESPARC, le centre d'écoute de l'ONG FESPARC, nous avons un drapeau, puisque nous sommes des patriotes, hein. Nous avons mis un drapeau que chacun qui vient chez nous, qu'il confirme Camerounais. Samedi 9h, château de Daido. Ouais, ouais, allez-y, c'est comment en sortir alors? Oui, oui, c'est ça, c'est possible. Tu sais, chacun a une raison pour se masturber. Et la façon par laquelle on s'en sort, c'est aussi individuel. Ça, après l'écoute, où je reçois individuellement chacun. Parce que tu vois, il y a même dans les couples, ce que nous appelons des couples discordants. Quand il y a déjà incompatibilité d'humeur, je suis dans ma chambre, tu es dans ta chambre, à une certaine heure, j'ai besoin de toi, je suis homme, je commence à faire le go-cam. Toi, de ton côté, tu es en train d'appuyer. Ce n'est même plus ton image que je prends, mais je prends l'image peut-être de celle que j'ai l'habitude. Elle aussi, elle prend l'image d'un gars qui court après elle depuis et qu'elle... Ainsi de suite. Donc, tu vois. Bon, moi, je dis, mon frangin a dit de lire les œuvres. Nous avons demandé que les gens lisent de la Bible. Ils ont même parcouru toute la Bible. Ils reviennent dire, docteur, ça ne donne rien. Le vrai médicament, ne jamais garder dans son téléphone un film pornographique. Détruire tout ce qui est de porno autour de toi. Ne va au lit que pour dormir. On ne doit pas se mettre au lit pour pianoter sur le téléphone. C'est interdit. Tu ne dois pas aller au lit attendre le sommeil. Ne va au lit que quand le sommeil t'a déjà envahi. Va, tu te couches et tu t'endors. Ça, c'est vrai. Parce que quand vous allez au lit attendre que le sommeil vienne, vous avez tout le temps pour commencer à caresser vos testos pour le gars et puis lever la braquette et commencer le travail. Testos, c'est testicules pour nos auditeurs qui ne comprennent pas. Oui. Ou bien les textes, comment figurer. Alors, et pour la femme, c'est vice versa. Elle doit éviter. Et puis je dis les strings, la corde. Ouais, mais ils appellent c'est string. Le string. Oui, c'est la corde, non? La corde qu'elles mettent là. C'est très dangereux parce que c'est ça qui excite la jeune demoiselle chaque fois et qu'elle passe tout son temps. Vous allez voir une fille qui s'arrête et serre ses cuisses. La corde a tellement fait bouger, frotter le clitoris, et elle appuie, elle met le doigt, elle appuie, elle jouit, elle peut continuer son chemin. C'est pour cela que, en les déshabillant parfois, vous voyez qu'elles ont mis un tampon là-dedans. Tu sais que je prélève pour le prélèvement, je fais le prélèvement cervico-vaginal, puisqu'on a un laboratoire pour les jeunes. Ouais, ben, on a ce tout doigt là qui vient chez nous, les jeunes. Ils viennent, puisqu'ils n'ont pas assez d'argent pour aller dans des labos, machin, non. Médecins sans frontières, pour qui j'ai travaillé toute ma vie, a mis quand même un laboratoire, et puis les jeunes viennent suffisamment. Donc, avec le coton qu'ils mettent, ils prennent sa main, ils mettent. Et c'est ça qui absorbe chaque fois. C'est pour cela que tu ne verras jamais couler sur leurs pantalons. Le soir, elles arrivent à la maison, elles enlèvent et elles jettent. Voilà un peu ça. Alors, pour sortir, on sort de cette émission. Alors, frère Junior Tchabda, est-ce que la masturbation ne conduit pas directement vers le lesbianisme et l'homosexualité? Quelqu'un qui a pris l'habitude de se donner des plaisirs seul peut commencer à se donner des plaisirs à deux avec quelqu'un du même sexe? Est-ce que ça ne conduit pas vers là? Je crois qu'en sexologie, les gens ont catégorisé les différents styles de masturbation. Là, on venait de sortir dans la masturbation compulsive, c'est-à-dire que l'addiction au niveau de l'incontrôlabilité de la personne qui le fait. Mais il peut arriver parce qu'il y a les masturbations par en groupe, ce qu'on appelle le masochisme, et ainsi de suite, les voyeurs, et ainsi de suite. Donc, ça peut impliquer aussi ces domaines-là. Mais je m'aiderais à prendre pour mon compte la question que vous avez posée à notre papa ici. Comment faire pour s'en sortir? Il a utilisé la casquette des sexologues pour essayer de donner les différentes choses qu'il faut éliminer. C'est ce qu'on pourra appeler le dogme du sexologue. Voilà, vous allez me donner la vision de l'Église. Absolument, pas de l'Église, mais de la parole de Dieu. Parce il l'a dit, effectivement. Parce que la chose, c'est, lorsque quelque chose a touché votre cerveau, lorsque l'esprit, vous êtes déjà sous l'influence de l'esprit, c'est ça, vous entendez que quelqu'un ne parvient pas à s'arrêter. Sur le plan humain, sur le plan du scientifisme, on parle de l'addiction. Ce sont les terminologies qu'on essaie d'utiliser pour masquer en réalité le domaine spirituel. Parce qu'en réalité, lorsque vous, quelque chose n'est plus sous votre contrôle, vous êtes contrôlé par un autre être. Parce qu'en réalité, ça veut dire que la personne est possédée. Quand vous voyez quelqu'un ne parvient pas à s'arrêter, ce n'est pas le cas de la masturbation seulement, il y a le cas de la cigarette. Il y a des gens qui ne parviennent pas à s'arrêter, il y a des gens qui ne parviennent pas à... Il y a des gens qui sont colériques et que moins de petites choses, il est irrité. Ou effectivement, il est sous une expulsion. Maintenant, qu'est-ce que la Bible déclare? Au-delà du fait qu'il faut lire, parce que si quelqu'un est possédé, vous ne pouvez pas être enchaîné dans une maison et que quelqu'un vous dit effectivement que récite du fait que tu dois être libre. Quand vous allez vous réciter, vous serez à l'intérieur de la prison. Il faut donc une aide extérieure pour venir vous retirer de là-bas. L'apôtre Pierre, quand il était dans Actes chapitre 12, était en prison, bien qu'il soit rempli du Saint-Esprit, bien que jusqu'il lui ait donné le capitaine de l'équipe, il a fallu un ange pour venir ouvrir la prison pour qu'il puisse en sortir. Lorsqu'il est sorti, maintenant, il pouvait venir manifester la gloire de Dieu. Donc, quand quelqu'un est possédé, ça veut dire que l'esprit loge à l'intérieur pour prendre possession. Parce qu'il faut comprendre effectivement le but de cette pornographie. Là, le sexologue signifie effectivement qu'il faut dilate les images de pornographie. Nous sommes influencés jour après jour dans les télévisions, dans les médias. Quoi, pas les, que ce soit les films, les publicités, les séries qu'on voit, la nudité exposée et que les images qui s'impriment, parce qu'ils s'impriment dans notre cerveau, ce sont les choses que nous, les gens utilisent pour pouvoir se masturber. Parce que les films que nous voyons à longueur de journée, l'Internet, à port de téléphone, les gens peuvent entrer dans ton pornographie à tout bout du champ. Donc, ouais, effectivement, qu'en réalité, c'est l'invasion de notre culture par les masses médias, c'est le côté négatif de cela. Maintenant, d'après la Bible, Romains chapitre 12, verset 1 nous dit que je vous exhorte donc par les compassions de Christ à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc Dieu veut un corps saint pour lui. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3, la Bible déclare ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Mmh. C'est que chacun de vous s'abstienne de cette impudicité-là. Et par conséquent, donc, tous ceux dont pour les auditeurs qui nous entendent et qui se masturbent et qui ne parviennent pas à s'arrêter, parce que c'est, même dans le cas du mariage, ça se passe. Votre partenaire peut être là et la personne n'est pas satisfaite par son partenaire sexuel, qui est sa propre femme. Donc, on voit effectivement que c'est un vrai problème. Et par conséquent, il faut rechercher la délivrance. Mmh. Donc, en matière de masturbation, il faut être délivré. Absolument. Alors, Edmond Kamga, quelle est la vision de l'Église en tant que théologien concernant la masturbation, la vision de l'Église, notamment l'Église catholique? D'abord, je voudrais rebondir un peu à ce que vient de dire le frère Chabda. La délivrance, je ne sais pas en quoi consiste la délivrance dont il parle, parce que c'est un concept global qui peut consister à beaucoup de choses qui peut susceptible de nuire aussi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il met dans délivrance. Délivrer la personne, comment? Est-ce que la personne est possédée? La masturbation, ce n'est pas une possession. Non, la masturbation, ce n'est pas une possession diabolique. Mais... C'est une attitude, c'est une posture à un moment donné. C'est un peu comme l'homosexualité. Qui est liée à une influence. Et vous l'avez si bien dit, l'influence, les masses médias, le médecin l'a dit, les images porno, oui. Ça suscite en vous des envies. Oui. Moi, je pense que c'est plutôt de ce côté, ce n'est pas une question de délivrance. C'est-à-dire, qui viendrait le délivrer? Le prêtre, le pasteur, vous savez, il y a beaucoup de choses qui se font et qu'il faut dénoncer ici. Mmh. On a vu des pasteurs de certaines églises réveillées et autres qui disent qu'ils vont vous délivrer, mais en fait, ils vous plongent dans ce qui est diabolique. C'est-à-dire quoi? Ils font venir, c'est-à-dire qu'ils couchent avec les femmes des gens, les filles des gens, et ils disent qu'ils la délivrent, ou alors qu'ils lui donnent la possibilité de faire... Non, c'est grave. Faisons très attention à ces concepts de délivrance. Parce que quand vous appelez le diable... Hein, il vient. Donc, ne disons pas délivrance pour délivrance. Je ne suis pas d'accord avec ce concept de délivrance. Par contre, ils doivent se faire écouter. C'est important. Ils viennent au centre d'écoute. C'est-à-dire, samedi 9h. Oui. Non, ce que je voudrais ajouter à tout ce qu'on a dit tantôt, parce que c'est quand même des questions personnelles qui concernent des gens. Exactement. Les gens en souffrent, les hommes comme les femmes. Oui. Donc, dans des situations comme celle-là, vous pouvez approcher des personnes, des autorités compétentes. Ça peut être un médecin, comme le médecin en parlait tout à l'heure. L'écoute est très importante. Il y a de l'écoute médicale. Il y a l'écoute des services sociaux. Il y a des centres qui existent ici à Douala. Mais il y a également des conseils que vous pouvez avoir au niveau de vos guides spirituels. Mais les guides spirituels, soyez vigilants. Il ne faut pas que vos guides spirituels vous détournent. Oui, moi, j'insiste là-dessus. On a quand même vu également les sexologues qui couchent avec les patients qui y a. Donc, non, ça arrive. Les dérives, pas... C'est ça qu'on appelle les déviances. Oui. Donc, j'appelle les gens qui veulent en sortir de se rapprocher des guides médicaux ou spirituels, mais restez vigilants. Ne vous laissez pas emporter. Ne vous laissez pas... Ça dit que... Ne vous laissez pas tromper. Ne vous laissez pas tromper du tout, du tout. Ne vous laissez pas tromper. Mmh. Sachez que vous n'en sortirez pas sans faire des efforts. Mmh. Et l'effort est personnel. C'est-à-dire autour de vous. C'est-à-dire, vous travaillez. Et j'ai dit tantôt que demandez la force au Seigneur. Demandez-lui. C'est-à-dire que mettez-vous à genoux dans votre chambre. Priez. Dites, Seigneur, je suis... Voilà une situation dans laquelle je me trouve. Je voudrais pouvoir en sortir. Et je vous assure, si vous êtes sincère, Dieu va vous écouter. Et vous allez vous rendre compte, si vous m'assubiez deux fois, vous le ferez une fois. Vous allez sauter deux ou trois jours sans le faire, ainsi de suite. Et puis, il y a un autre conseil que je peux donner. Ayez des occupations qui vous éloignent de la tentation. C'est-à-dire quoi? Des activités, une activité, au-delà des activités intellectuelles dont j'ai parlé, il y a des activités sportives. Si vous avez un hobby, c'est-à-dire vous aimez courir, vous aimez jouer au basket, vous aimez jouer au football avec des amis, faites-le. C'est-à-dire, plus vous êtes occupé à vous défouler, parce que ça entre dans le défoulement, ça participe du défoulement. Alors, défoulez-vous autrement, pas des activités, soit intellectuelles, soit sportives. En tout cas, occupez-vous l'esprit, parce que c'est dans l'esprit que... Tout se joue. Eh bien, dans ce cas, et le jour où ne vous occupez pas, ça revient de plus belle. Oui, ça peut revenir. Oui, ça revient. Mais c'est pour cela qu'il faut faire l'effort. L'effort est quotidien et régulier. L'effort est quotidien et régulier. Mais toujours, vous ne pouvez pas vous en sortir tout seul. C'est un accompagnement. Et la plus grande force, c'est celle du Seigneur, de Dieu, Jésus-Christ. Demandez-lui son aide, il vous donnera. Matthieu 7:7, demandez, on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. Vous nous rappelez juste la position de l'Église sur la masturbation, elle est pour ou contre? Elle est contre. D'accord. Parce qu'elle fait partie de ce qui est désapprouvé dans la morale sexuelle. C'est comme l'homosexualité. Rappelez-vous Lévitique, chapitre 18, verset 22. Quand un homme couche avec un homme comme avec une femme, c'est une abomination. La masturbation également une abomination. Donc, il faut faire des efforts pour le faire le moins possible et faire en sorte que vous puissiez partager ça. Parce que l'acte sexuel doit être partagé. Et c'est pour ça que je parlais de l'acte conjugal. Ça doit être partagé entre l'homme et la femme. C'est entre l'homme et la femme. Ce n'est pas un plaisir égoïste que l'homme se donne à lui tout seul. Ce n'est pas un plaisir égoïste que la femme se donne à elle seule. Et par rapport, et j'insiste là-dessus, peut-être avant de chuter, c'est de dire, parce que le cas le plus grave selon moi, ce n'est même pas la masturbation des jeunes, c'est celle des couples. Dans le couple, c'est dur. Nous la vivons. La plupart d'entre nous qui sommes mariés. C'est-à-dire, vous êtes en couple, mais des situations vous amènent à vous masturber. Peut-être parce que madame est indisponible. Peut-être parce que le dialogue ne passe pas. Ce que le médecin appelait les situations discordantes. Les couples discordants. Mais il est important dans le couple de se dire des vérités. Parce que plus on s'éloigne dans le couple, plus ça crée des situations soit de masturbation, soit d'infidélité. Merci, chers invités, Dr Blaise Antoine Woudiléo, qui est médecin, sexologue, coordonnateur des activités de l'ONG FESPAC, qui aura une séance d'écoute ce samedi à 9h du côté de l'école publique d'Aïdo. Merci au frère Junior Tchabda, qui est prédicateur de la parole de Dieu. Et on va dire merci à Edmond Kamga, excellent journaliste, également théologien, c'est une nouvelle casquette sous laquelle on vient de le découvrir. Mise en onde, Landry Lim, supervision générale Roland Makenga. Au micro de présentation, je suis Renaud Eboto, retrouvons-nous demain lorsqu'il sera 10h avec le même plaisir. Au revoir. Les débats de société s'invitent sur Miango FM. Les marchés brûlent, le transport coûte cher et bien d'autres questions qui polluent votre quotidien. Déposez ça ici. C'est la seule adresse de dépôt légal des questions de société sur votre radio. Tous les jours du lundi au vendredi entre 10h et 11h30. Déposez ça ici. Déposez ça ici. Soulagez-vous de tout ce qui vous agace pour ensemble construire une société meilleure. Déposez ça ici, c'est votre nouvelle émission de débat interactif sur votre radio Miango FM 88.4. Déposez ça ici, une présentation de Renaud Eboto.